êtes dans la zone 89.1. Siffle dans tes oreilles. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Jean-Sébastien Guy sera avec nous pour parler de voitures dans son segment PRNDS. Marie-Laurence Audet nous divertira dans ses chroniques Le loisir bien plus qu'un jeu. Et Alexandra Carignan nous rendra plus cultivés grâce au temps de culture. Assemblage requis commence tout de suite. Je suis hors zone, je suis hors zone. Non, c'est pas ça. Non, c'est Assemblage requis. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis ce mardi 1er avril 2014. Mardi kinky! Oui! C'était pas une blague de poisson d'avril que c'était hors zone, en passant. Parce qu'on on l'apprécie énormément, le gars d'hors zone. Je l'ai même pas vu venir. Non, c'est Olivier. Tu l'as pas vu venir? Non. T'as pas assisté à son émission. Ok, là, c'est des blagues, là, c'est rendu de mauvais goût, là. Ouais, là, ouais. On déborde. On déborde un petit peu, comme lui de ses couvertures. Non, c'est aucun rapport. C'est même pas drôle, même pas vrai. Non, c'est quoi ces blagues-là? Ce matin, l'émission Jean-Philippe Charbonneau, premièrement. Bonjour. Oui. Mathieu Plante, vraiment? Merci, enchanté. Aujourd'hui, on a à 8h Marie-Laurence. C'est toi, Mathieu Plante. Bon. Le fameux, oui, l'animateur de Hors Zone, là, c'est toi, ça? Non. Donc aujourd'hui, à 8h, Marie-Laurence Audet, sa chronique Le loisir bien plus qu'un jeu, ainsi que la chronique de l'AGAQTR. Donc ça, c'est à 8h et 8h30 aujourd'hui. D'accord. Ensuite de ça, à 9h, Alexandre Carignan et le temps de culture. On va toujours parler d'art et spectacle. On va toujours bien faire ça le mardi. Ben là, c'est le jour. On est toujours bien pas pour pas faire ça. Faut toujours pas vous faire une règle de sport, ben franchement. Oui, quand même. Êtes-vous amateur de sport? Êtes-vous amateur de plein air? Nous demande une pub sur les ondes de C'est fou. Moi, de répondre, m'as-tu regardé? Non, clairement. Non. Alors, on va débuter, par contre, dans quelques instants avec notre ami Jean-Samuel Gay et sa chronique de voiture, Pearns, P-R-N-D-S. C'est dans quelques instants. D'accord. Voilà. Beau petit plan. On a qui s'excite, évidemment, au milieu de tout ça. Hein? Tu pensais que j'allais l'oublier? Non, je sais, il est au milieu de quoi, moi, mon kinky? Oh! Entre les draps, entre les fesses. Mais on va débuter avec un groupe de jeunes dames. Oh! Oui, c'est Haim. Haim! Haim! Voici leur extrait Falling sur C'est fou, 89 FM. C'est fou, entre les draps, 89 FM, entre les fesses. Non, ça marche pas. Ça marche pas tout le temps, finalement, cette blague. Ça marche tout le temps, Mathieu. OK, c'est dit. Into the moment like I'm standing at the edge, I know. No one's gonna turn me around. Just one more step, I could let go. I'm in the middle. I hear the voices and they're calling for me now. I know that nothing's gonna wake me now. 'Cause I'm a slave to the sound. And they're calling, don't stop, no, I'll never give up. And I'll never look back. Head up, and if it can spread, it's a sign that you're up. They keep saying, don't stop, no one's ever enough. I'll never look back, never give up. And if it can spread, it's a sign that you're up. Falling, oh. Now I'm going down. C'était un bloc qui était deux fois, mais qu'on vous a pris par surprise parce qu'on l'a pas annoncé avant. Parce que c'est le poisson d'avril. Parce qu'on savait pas. Oui, parce que c'est le poisson d'avril, c'est ça la raison. Oui. Oui. C'est pas parce qu'on savait pas qu'on allait faire ça. Non. La pièce de Wire précédée de Falling de Haim. Haims. Haims. Haims avec un apostrophe S. Il y a pas de S, mais c'est H-A-I-M. Ah. Haim, faut que tu le dises avec un petit guttural. Haim. Très bon, ce groupe de demoiselles. Joli. Oui. Joli groupe. Très sympathique. Leurs clips sont très bons aussi, donc allez voir ça. Haim, leur album s'appelle Days Are Gone. Maintenant, mais c'est tout pour l'été deux fois et on doit continuer éventuellement avec quelque chose d'autre. Malheureusement, Perns, pas aujourd'hui. Ben non. Faut croire deux semaines d'affilée. Donc, on va passer à la place à notre plan prévu. Voici Kinky Sexy Time. Personne ne va se plaindre de ça. Hein? Hey! Moi, quand on parle de Kinky. Hey! Donc, c'est Kinky Sexy Time. Ces sons-là sont les sons que produit Jean-Philippe après quotidiennement. Les quotidiennement, c'est ça. Aussi quand il se lève du divan. Donc, Jean-Philippe, t'es prêt? Ben, oui. Mathieu. Bien attelé. Toujours prêt. Toujours semi. Oui. Comme on dit. Comme ça, je peux prendre tout le monde par surprise. Hey, salut, ça va? Fouink. Commençons par. Ah, ça, c'est triste parce que c'est pas ton cas. C'est triste parce que c'est pas ton cas. Si c'était ton cas, c'est bon. Ça serait heureux. Ça serait très heureux. Les gens qui ne peuvent pas avoir de relations sexuelles ont leur propre site web. OK. C'est vrai, ça. C'est le site s'appelle todateforlove.com avec des chiffres 2 et dateforlove.com. Donc, tu peux prendre deux dates pour l'amour. Deux dates pour l'amour. Le nouveau téléroman, c'est d'automne à TVA. Donc, c'est un site web ouvert aux gens qui sont incapables d'avoir des relations sexuelles pour plusieurs raisons, mais qui veulent quand même être en relation avec quelqu'un. Donc, vous avez trouvé des gens qui veulent passer du temps avec vous juste parce que vous êtes qui vous êtes. Hein? Qui veulent pas nécessairement entrer dans vos pantaloons. Donc, la fondatrice est Laura B. Elle a créé le site web après avoir été diagnostiquée d'un cancer cervical niveau 4. Mais heureusement, avec l'aide de ses docteurs, elle a réussi à passer au travers. Mais quand même, elle voulait continuer d'aider les gens. Son corps n'est jamais resté le même. Il aurait été impressionné qu'il y avait des hommes dans la vie qui étaient capables de pas vouloir une relation pour le sexe. Parce qu'il y en a qui peuvent avoir des relations là-dedans, mais qui sont pas là pour ça, qui sont inscrits sur le site, même s'ils peuvent en avoir. C'est juste qu'ils veulent pas. Ça leur dérange juste pas. Today for Love fonctionne comme n'importe quel autre site web de dating, donc de rencontre. Il y a un quiz où tu dis tes intérêts, tes caractéristiques principales, les traits de personnalité que tu cherches chez ton partenaire. Et ça t'accouple. Mm-hmm. C'est un match. Dans la case sexe, il marque jamais. Jamais. Ou rarement, mais seul. Au lieu de féminin, masculin. Ouais, c'est ça, non? Ouais. Ok, merci. Mais quand t'arrives pas, des fois, j'ai l'impression que c'est parce que t'en trouves pas drôle. Ou t'en comprends c'est pas. Quand je trouve tes blagues futées ou intelligentes, je me dis que j'ai pas besoin de la rire. On sait que c'est drôle. C'est comme une sitcom. J'ai pas besoin que tu me dises quand rire. Ouais, c'est comme OK, tout le monde applause. Ouais. C'est épuisant, ça, matin. Ça fait mal aux avant-bras. Pire que du sexe. Ça fait mal. Quoique similaire à... Donc, tu vois, on riait, c'est parce que c'est de rire. Oui. Les condoms sont pas une invention récente, Jean-Philippe. En fait, l'utilisation du condom a été retracée à des milliers d'années vers les 1000 BC. C'est avant, évidemment, J.C. Lauzon. En Égypte antique, on utilisait une feuille de tissu. Donc du linen pour se protéger contre les maladies. Si on avance aux années 1500, la grande épidémie de syphilis en Europe a mené au premier condom vraiment dans les livres. Gabriel Fallopius. C'est de là. Peut-être que les trompes de Fallop viennent de là. Donc on décrit une feuille de tissu. Donc c'est un gars en passant, Gabriel. Il disait avoir inventé ça pour protéger les hommes contre la syphilis. C'est pas avant plusieurs années plus tard que le condom a été utilisé pour la grossesse, donc pour empêcher de tomber enceinte. Dans les années 1700, la première utilisation du nom du mot condom, mais écrit C-O-N-D-U-M, donc évidemment en anglais, dans un poème. Dans les années 1800, les condoms étaient fabriqués de caoutchouc. On a changé de matériaux, donc pour pouvoir produire ça plus en masse, donc à grande échelle. Dans les années 1900, les condoms ont été transformés, donc ils sont passés du caoutchouc au latex. Le premier condom lubrifié a été lancé en 1957 par Durex et c'était pas pour pour l'épidémie. Si c'était pas de l'épidémie de sida et de VIH dans les années 80, la plupart des gens dans le monde n'utiliseraient toujours pas de condom ou en tout cas pas autant qu'aujourd'hui. Mm-hmm. C'est surtout à cause de l'épidémie. Ouais. Condom, là, on va-tu parler d'autre chose? Coudon. qu'on se donne le mot. Qu'on donne le mot. Attends. Coup de gong. La boule. Félindra. Taille dessus. Les gens mariés vont bientôt être en minorité aux États-Unis. Selon un récent census, c'est comme ça qu'on dit ça en français aussi. Un recensement. Seulement 51% des adultes américains sont présentement mariés. Le Pew Research Center a découvert que très bientôt, les adultes mariés vont être en minorité aux États-Unis. D'autres statistiques intéressantes, c'est que l'âge moyen pour le premier mariage a monté de 6 ans entre les hommes et les femmes. Donc, les femmes sont passées d'un âge moyen de 20,3 ans à 26,5 et les hommes sont passés de 22,8 à 28,7 ans. Quand on regarde les trucs démographiques et tout ça de ce sondage, de ce recensement, c'est quand même clair que le pourcentage de jeunes personnes mariées a descendu de 59% à 20%. Ça va en chute libre quand même pour le mariage. Rien ne va plus. C'est ça, rien ne va plus. Puis, pour moi, qui va se plaindre là, de descendre. Au Japon, la Saint-Valentin est la responsabilité de la femme. Et on a une journée, un mois plus tard exactement, qui est la journée où les hommes doivent leur rembourser leurs dettes, si on veut. Donc, la Saint-Valentin au Japon, les femmes donnent des cadeaux de chocolat aux hommes. C'est supposé être une expression de leur amour, ou même par, pour certains couples, d'obligation. Tu es obligé de donner un cadeau. Du chocolat fait à la main, considéré comme un signe que l'homme avec qui tu sors, en tout cas, évidemment, on parle de relations hétérosexuelles, que la femme, dans le fond, considère que tu es le bonhomme. Pour elle, t'es l'élu, si on veut. En 1978, la journée White Day a été envoyée, si on veut. Le coup d'éclat a été fait par la National Confectionery Industry Association, l'association de finalement de chocolat et de bonbons, des trucs comme ça. C'est supposé être la réponse à la Saint-Valentin. Les cadeaux traditionnels de ce jour-là sont des biscuits, des bijoux, du chocolat blanc, de la lingerie blanche et des guimauves. Et on dit souvent la règle pour la Saint-Valentin et la White Day, c'est que l'homme devrait dépenser au Japon trois fois plus que ce qu'il a reçu. Ah, ben oui. Facile, ça. Donc, c'est toujours comme ça. La fille t'a acheté 10$ de chocolat, tu lui donnes un cadeau de 30$. Voilà. C'est simple. Hein? Contrairement au bac de mariage où les compagnies de bijoux disaient que c'était l'équivalent de 2 mois de salaire complet pour un bijou, quelque chose comme ça, au Japon, c'est juste 3 fois le prix de ce que la femme t'a donné. Ben, c'est ça, c'est rien, finalement. Soyez heureux. Soyez heureux. Quand, appréciez-le. Aucune reconnaissance. Hein? Aucun respect. Tout le temps. Le mot, je t'ai déjà demandé cette question-là et je sais pas si tu te rappelles de la réponse, mais j'ai plus de détails pour toi. Le mot éphébophilie, est-ce que tu te rappelles ce que ça voulait dire? Éphébo. Il fait beau! Il fait beau dehors! T'es vu venir! Ben oui, là! Tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Ben juste à ras. Comme une tondeuse! Comme une tondeuse. Printemps. Printemps. Printemps. Printemps. S'il te plaît, printemps, viens-t'en. Printemps. Une belle petite chanson, ça, Martin Deschamps, je pense. Printemps, viens-t'en. Printemps, viens-t'en. C'est une pas pire chanson, ça. Oui, on pourrait mettre ça comme thème. Comme thème? Oui. Printemps, viens-t'en. Printemps, viens-t'en. OK, on a chanté hier, c'était assez. Oui, il fait beau. Il fait beau, Philly, oui. Philly. C'était ça ta réponse. Je me souviens plus. C'est l'intérêt qu'ont les adultes envers des adolescents. Les adolescents. Oui, mais des adolescents plus spécifiques, parce qu'on avait dit ce fait-là en bref la dernière fois, et là, j'ai plus de détails. Donc, c'est entre les âges de 15 et de 19 ans. Donc, l'éphébophilie, c'est simplement la préférence envers des adolescents comme partenaires sexuels. Ça ne veut pas dire, par contre, que les éphébophiles sont seulement attirés par les adolescents, mais c'est qu'ils ont, entre autres, cette philie-là. Donc, ils ont, entre autres, le goût de ça. L'éphébophilie, contrairement à ce qu'on pense, est complètement, mais vraiment complètement différente de la pédophilie. La pédophilie qui est définie simplement comme la préférence envers les enfants prépubères. Des fois, on l'utilise comme slang pour décrire n'importe quelle personne en dessous de l'âge majeur. Donc, quand une personne mineure, on dit pédophilie, c'est complètement faux. Et il n'y a aucun crime dans l'éphébophilie. Ah non? Dépendant des provinces et des États. Okay. Par exemple, justement, on disait... Ah, c'est pas dans cet article-là. L'âge de consentement au Canada est rendu, je crois que c'est... Est-ce que c'est 16 ans? Je crois que oui. Donc, si t'es entre 15 et 19 ans, t'es pas nécessairement dans le trouble, mettons. T'sais. Donc, l'éphébophilie, c'est ça... qui a été utilisé par le docteur hollandais Fritz Bernard. Il dit que le mot a été créé par Magnus Hirschfeld. On n'a pas la date de création de ce mot-là, mais quand même, c'est donc, retenez-le, éphébophilie. Voilà. Voilà. Alors, tiens, là, pour la troisième fois que je vais te le demander. Oui. Des fois, ça m'arrive d'oublier quand je l'ai dit, ça. Oui. Il y a un site web qui te permet d'envoyer des courriels anonymes à quelqu'un si tu as attrapé une infection transmissible sexuellement, une ITS. Oh, c'est vrai ça. Donc, InSpot, c'est un service gratuit qui permet d'envoyer une carte électronique comme on les aime ou comme on les aimait dans les années 90 et début des années 2000. Oui, dans le temps des chaînes à lettres. C'est ça, sur Hotmail. Caramel. Avec un petit PowerPoint. À vos précédents partenaires sexuels, c'est à eux qu'on leur envoie ça pour leur informer que tu as une ITS. Donc, la carte électronique encourage la personne qui la reçoit à se faire tester, donc aller passer des examens pour pouvoir après ça penser plus à leur relation et avoir du safe sex, là, finalement te protéger et choisir mieux tes partenaires sexuels. C'est que si t'as eu une maladie, c'est que t'as fourré avec les maladies, on s'entend. Donc les cartes électroniques qui sont faites pour être un petit peu avec un petit jeu de mots, un petit quelque chose pour que la personne qui reçoit la mauvaise nouvelle soit pas triste. Par exemple, I got screwed while screwing, donc je me suis fait. Pendant que je me suis fait... C'est dur à traduire, screw, oui, hein? quand même, oui. En tout cas, je me suis fait visser pendant que je vissais avec l'autre personne. Bref, c'est des affaires de belles en anglais, mais ça s'appelle InSpot. Voilà. Ensuite de ça, allons-y avec... tiens, ça, c'est pour déjeuner. Ça y est, là, rien on a quelque chose. Pour vos céréales, on parle... de circulation fine! Éjaculation féminine. Éjaculation féminine. Donc, il y a une différence entre l'éjaculation féminine et le squirting dont on parle souvent. OK. Est-ce que t'as fait un... Donc, le phénomène de squirting, donc on croit... de façon générale, que c'est l'éjaculation féminine. Selon une étude, par contre, de différents chercheurs dans le domaine médical, il y a deux différentes façons par lesquelles les femmes vont extraire un certain fluide. Juice maker. Ron Popeil et son magic juicer dans les infos pubs. Donc, l'étude nous apprend que le squirting est différent de l'éjaculation féminine. Donc, le résultat, c'est le liquide en tant que tel. D'accord? Donc, le squirting, c'est un petit liquide dilué qui provient de la vessie. D'accord? Liquide, vessie, pipi, bon. Alors que l'éjaculation féminine, de l'autre côté, c'est plutôt le relâchement d'un liquide plus onctueux, hein, donc épais, blanc, et ça provient de la version féminine de la prostate. Ah! Version féminine de la prostate. Donc le phénomène est plus proche du sperme qui sort chez l'homme. D'accord! Pour ce cas-là, qui est la female ejaculation, l'autre c'est du squirting. Voilà! Je pense qu'on devrait peut-être pas finir avec celui-là. Non! Toujours finir dernier, sur un dernier. L'Université Arcadia. Ah oui, ça va bien aller. Oui, tu vois, ça, c'est de la classe. Une académie. Une académie. Une université, l'Arcadia. La Arcadia University a été fondée à Beaver, en Pennsylvanie. Beaver, oui. Uh-huh. Je te vois venir. C'est ça. C'était nommé Beaver Female Seminary en 1853. L'école a changé de nom pour Beaver College en 1872. C'est comme ça qu'on la connaissait jusqu'en 2001. Par contre, du matériel pornographique sur Internet était de plus en plus populaire. Hein? Et Beaver est un mot slang pour l'entre-genre féminin. Donc, les gens, Colin, tombaient sur Arcadia College à cause de son Beaver. À cause du Beaver. Ça portait à confusion. Donc, on a décidé d'enlever ça. En fait, c'est que le site web était bloqué par les filtres anti-pornographie, étant donné qu'il y avait le mot Beaver dans le nom. Puis là, les gens pouvaient pas aller. Genre. Ils pourraient pas aller faire leur choix de cours. T'sais. Oui, mais madame, j'ai pas pu aller faire mon devoir, là. Je trouvais pas le site de l'université. C'est ça. J'ai pas fait mon devoir, mais le castor le mange. Le castor. En tout cas. Donc, Beaver College est devenu Arcadia University. Et c'est un beau nom, Arcadia. Oui, quand même. Ça me fait penser aux arcades. Ben oui. Il n'y a rien de plus cool que les arcades. Ça me fait penser, Mathieu, Beaver. Je peux-tu te faire une anecdote? S'il te plaît. Je te fais une anecdote et non te raconte. Fais-en une bonne. Oui. Mais c'est pas la mienne. OK. C'est dans L'agent fait la farce. OK. C'est avec l'agent de Ribin. Leslie Nielsen. Oui. Puis je sais pas si tu te souviens, dans le 1, justement, la fille, elle monte un escabeau. Elle est en jupe. Puis là, l'agent de Ribin, il regarde, puis il fait « Oh, nice beaver! » Oui! Puis là, c'est un castor empaillé! Oui, je me rappelle, c'est drôle. Ah! Maudit que j'aime ça, ce film-là. Des bons gags. Là. Ouais. Il y avait une série de ça aussi. Police Squad. Oui. Police Squad. Bon, bref. Voilà pour c'est le temps qu'on vient de faire, c'est vrai. N'oublions pas ça. Il va y en avoir une deuxième partie tantôt. Entre ça, on coupe. Schlack! Avec Marie-Laurence Audet et deux de ses chroniques pour commencer. Je pense qu'elle aime ma référence de schlack! Schlack, schlack! C'est un quiz à la famille, ça, c'est ça. Schlack? Schlack, c'est ça? Hey, schlack, schlack tes jokes, là. Schlack. Schlack tes lumières, si t'en as envie. On revient dans 2 minutes, restez là. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mardi 1er avril 2014, 8h, 2 minutes 30. Non, c'est pas vrai! Pas vrai d'avril! On n'a pas changé l'horloge. On a enregistré il y a 20 ans. C'est ça. Salut Jean-Philippe Chambon. Salut Mathieu Plan. Tantôt, je vous le promets, à chaque fois que la publicité des Palmarès C'est fou joue, quelqu'un me demande, mais quand est-ce qu'on va entendre chacune de ces chansons-là, à un moment donné? Mais tantôt, il y en a une qui s'en vient. Ah! Je vous tease. Mais tu me teases tout le temps, Mathieu. Tout le temps. C'est pas vrai, ça, une journée. C'est vrai. Toute la journée, ça va être ça. On accueille Marie-Laurence. Non, c'est pas vrai! Ah! Got you! Just kidding! LOL, MDR. C'est Marie-Laurence Audet. MLA. C'est une loisir bien plus que je veux. MLA. Qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire? MLA? Moi. Je sais. OK. J'attends la fin de la thème. Ouais, oui. Je veux pas couper le thème. C'est là, vas-y. Ah non, ça marche plus. Meilleur like Anana. Meilleur like Anana, ok. moi, je dirais. Mela assis. Tiens, tu la mets assis, Marie-Laurence. Marie-Laurence Audet. Donc, le loisir est bien plus qu'un jeu. La honte en studio ce matin. On parle comme toujours de loisirs, divertissement, choses qui sont le fun, intéressantes, amusantes même. Ben oui, c'est ça la thématique. C'est le mot F-U-N. Fun. Tout le monde ensemble. Donc, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'un aspect qui n'a pas été abordé à date dans les chroniques de l'émission, d'un aspect plus touristique du loisir. Donc, j'aimerais ce matin saluer Mylène Martin, qui est une de nos amies, une de nos collègues en loisir, puis qui a travaillé aussi sur ces recherches-là. Donc, je vais parler plus précisément du tourisme gourmand. Oh, wow! Vous savez, c'est quoi le tourisme gourmand? Ça, c'est un peu comme... Je dis que Mathieu, il est gourmand. je comprends plus ce que tu fais aujourd'hui. Je mélange les cartes, je brouille les cartes parce que c'est le poisson d'avril, Mathieu. OK, je sais pas. J'essaie de faire des jokes drôles. Okay. Pour une fois. C'est une joke à faire des enfants, comme c'était pas vrai, mes blagues descriptées par Mathieu Plante. Oui. Non, là, je sais plus, par exemple, où je m'en allais. Là. C'est quoi qu'il faut dire? Tourisme buccal, c'est tourisme culinaire. No, no, no. Tourisme gourmand. En fait, ma chronique va porter là-dessus. On va y aller. OK, on fait le tour des McDo, c'est ça? Donc, exactement! Mais plus sérieusement, présentement, on peut remarquer que dans plusieurs régions, il y a soit déjà en place ou en développement des routes, ils appellent ça les routes gourmandes, un peu comme la route des vins, comme la route des baleines, comme, peu importe, vous comprenez le principe. La casque-route. Ah. C'est la route des casse-croûtes, ça. Oui! Dans le fond, ces routes-là, c'est un parcours qui sillonne... notre beau Québec et où il y a des points touristiques précis. Donc, les gens qui partent à la quête de faire le tour, par exemple, de tous les attraits touristiques de cette section-là, comme nous, par exemple, si c'est dans l'aspect touristique gourmand, ça va être des produits du terroir, de la restauration et tout, alors que dans le vin, ça aurait été des vignerons. Des gens sous, etc. Est-ce que vous êtes capable de me nommer des routes de touristes gourmands qui existent? Mais Mathieu, ça y est, il a nommé le casse-croûte. Moi, je pense que la casse-croûte, c'est la meilleure. Oui. Les Tim Hortons, j'imagine, sûrement. Les Dunkin, mais là, ça, c'est à l'autre deux, je pense, au Québec. Je pense que Mathieu n'a pas compris les jeux. Je pense que je n'ai pas compris. En fait, les routes, on a des produits du terroir et tout. Donc, McDo et Tim, éliminés. T'es sûr? On parle plutôt de Sodexo. T'es sûr que je suis obligé de l'éliminer? Ouais, non, c'est pas Sodexo non plus. Non. D'accord. Je vais vous donner quelques exemples. Après, vous allez pouvoir les chercher sur les interwebs puis vous informer là-dessus. On a la route des saveurs de Charlevoix. On a le circuit en Montérégie. Est-ce que tu as le circuit aussi? Non, juste le circuit. Les escapades de pommes en fête. Donc, on a vraiment plus. Là, j'en ai juste nommé deux, trois, là. Mais on a vraiment plusieurs attraits touristiques ciblés sur une carte que vous pouvez vous servir de ça pour partir en voyage, partir en road trip. Tu peux sûrement mettre ça sur ton GPS. Exactement. Tu tapes touriste gourmand. Non, c'est pas vrai. Non, ça, c'est aujourd'hui, dans le fond, je vais vous parler de le portrait du touriste gourmand. Je vais vous parler de ses impacts. Puis des différentes pistes d'action, comment on peut le développer ou mieux le connaître. Donc, premièrement, concernant le portrait du touriste gourmand, on ne se cachera pas que le tourisme, ça existe depuis bien ben longtemps. Puis qu'au travers du tourisme, la restauration, l'alimentation, ça a toujours fait partie de l'aspect touristique parce que les gens ont un besoin de se nourrir dans la vie, un besoin de base. Fait que quand ils voyagent, ils n'ont pas le choix de passer par là. Sauf que de se servir de l'aspect culinaire comme point central, comme objectif du voyage, là, ça fait un touriste gourmand. Tout est misé sur l'alimentation que tu vas avoir au travers de ce trajet-là. Est-ce que quand tu marches, mettons, en tant que touriste, c'est comme ça, gourmand, est-ce que tu, à la place d'avoir un appareil photo dans ton cou, tu mets des ustensiles, quelque chose comme ça? Ben oui. Une bavette. C'est même que tu reconnais tes compatriotes. Exactement. Salut, man. Je te reconnais, t'es un touriste gourmand. Puis le touriste gourmand, sa réalité, c'est plus large que juste l'agro-touriste. Parce que l'agro-touriste, c'est quand on va parler du lien du producteur jusque... aux visiteurs qui viennent souvent visiter le côté agricole. Tandis que le touriste gourmand va toucher plusieurs intervenants. On va avoir les producteurs, les transformateurs, les restaurateurs. On va avoir des boutiques, des événements, on va avoir des marchés publics. On va avoir 1 million d'affaires autour de la nourriture. Mais tout est central sur la nourriture, sur le bien manger, sur le terroir, sur l'unicité, dans le fond, de l'historique d'une place. Okay. Moi, je pensais que le... celle-là est bonne. Celle-là est bonne. Je pensais que le touriste gourmand venait avant le gros tourisme. Le gros touriste. Ouais, bon, la grosse touriste. Il après ça, t'as le gros. Il a mangé des négros. C'est ça. Ouais. T'es pas pire, pareil. Pas pire. 8 en 8. Merci, JP. Puis, à travers... tu sais, on a dit que c'est centralisé sur un désir d'aller connaître différents aspects culinaires, mais aussi une dimension culturelle qui est très importante dans ces voyages-là, parce qu'on recherche justement des produits du terroir, des produits qui vont marquer les différents lieux. Donc, l'aspect historique va être hyper important. C'est une des choses que le touriste va aller chercher à travers sa quête. Présentement, on remarque un éveil culinaire. On a remarqué qu'il y a de plus en plus de diversification dans les produits du terroir qui sont offerts. Puis on a vu une augmentation de ces circuits-là, de ces routes-là. Puis là, on disait que pour l'instant, on en a un peu plus d'une quarantaine, mais c'est encore en développement. Donc, les régions y développent ça. Puis, il y a aussi une augmentation de la fréquentation des marchés publics qui a été remarquée, ouais. Qui était il y a une couple d'années bien en mode. Après, c'est comme tombé sur le neutre. Mais là, ça revient. Donc, le tourisme gourmand a un peu englobé cet aspect-là, l'a intégré à ses routes. On remarque aussi, et vous l'avez remarqué, monsieur, madame, tout le monde, dans la popularité des émissions de cuisine présentement, les émissions de télévision, les journaux, les revues. Je pense qu'il y a 1 million de nouveaux postes juste dédiés à la cuisine. Présentement, il y a un gros éveil culinaire qu'on a remarqué au Québec. C'est vraiment une réalité québécoise. Donc, ça rentre dans la mode. Tout le monde veut participer à une compétition culinaire, on dirait. Tout le monde. Oui. Puis, comme je disais tantôt, la découverte de nouveaux produits est visée. Les traditions, les savoir-faire de l'histoire des différents peuples que tu vas aller visiter. Parce que souvent, à travers les routes, tu vas sortir de ta maison, tu vas sortir de ta ville, tu veux... Des fois, tu restes dans la même région, mais tu découvres totalement des nouvelles cultures. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Mmh. Ensuite, à quoi vous pensez qu'ils ressemblent les touristes? Si on fait un profil type des touristes... Ah, j'aime ça vous poser des questions le matin. On a établi les ustensiles dans le cou. Ça, c'est oui, une fois qu'on a les ustensiles, pas mettre dans le cou. Ouais, okay. Ça... Qu'est-ce qu'on fait? Mettons qu'on parle d'autres choses que leur allure physique. Ouais, c'est ça, parce que sinon, j'allais dire, t'as un sac banane, mais littéralement qu'une banane dedans. C'est sûr. est-ce qu'on parle de leurs attentes? Ils veulent découvrir des nouvelles choses. Oui. C'est une bonne réponse. Hey! Hey! Un point en studio. Ils avancent tout le temps la bouche ouverte. Je suis content qu'on y quelque chose dedans. Ils bavent. C'est ça. Vous aussi, à la maison, vous pouvez appeler pour dire des niaiseries. Quand vous voulez. Oui, la ligne est grande ouverte. La ligne est grande ouverte. En fait, on a remarqué qu'à travers... le profil type des touristes, du tourisme gourmand, contrairement aux autres touristes en général, sont beaucoup plus scolarisés et ont revenu beaucoup plus élevé. Mais on ne se cachera pas que d'aller chercher des produits du terroir, ça revient beaucoup plus cher dans un voyage. C'est une grosse, grosse dépense. C'est sûr que tout est centralisé là-dessus, contrairement à quelqu'un d'autre qui aurait visé d'aller faire le tour des musées ou autre. Mais les produits du terroir ont un coût. Ces gens-là ont les moyens de se le permettre. Donc oui, un revenu plus élevé. Et ça a été remarqué aussi qu'ils ont un niveau de scolarité plus élevé. Ça va aussi en lien avec une recherche, une quête au niveau historique, culturel, qui est souvent relié au niveau plus intellectuel qui va avoir été développé dans les plus hautes études, dans les familles, peut-être des fois un peu plus... c'est un peu plus intellectuel. Ouais. Ça a aussi été remarqué que ce sont des gens plus actifs. Quand, oui, ils visent l'aspect culinaire pour un lieu, mais rendus dans le lieu, ils vont faire énormément d'activités dans les alentours. Ils vont aller autant dans les spas, dans les visites de musées. Ils vont aller vraiment chercher qu'est-ce qui se passe dans cette ville-là, en priorisant toujours l'aspect culinaire qui fait, anyway, fait partie de leur vie 3 fois par jour. Ils ont d'autres choses à faire quand même. On devrait faire un blog qui s'appelle comme ça. Ça me marcherait. Trois fois par jour. Ça me dit rien. Non, mais j'ai dit qu'on devrait le faire. Okay. Ça a aussi été remarqué que les touristes gourmands sont en quête d'authenticité puis d'unicité. Tu sais, on parle de produits du terroir, c'est pas les produits que tu vas retrouver dans toutes les épiceries, dans tous les dépanneurs au coin de la rue. Ils recherchent des éléments qui vont marquer chacune des communautés. Donc ça, c'est vraiment important. Ils cherchent aussi les différentes traditions, comme on disait, culturelles, qui étaient reliées aux villes. Ça a été aussi beaucoup remarqué que le tourisme gourmand, il y a plein d'éléments en plein air. Quand tu vas dans une ville puis que tu vas visiter autant l'aspect agriculture et autres, mais tu vas en plein air, ils ont un intérêt envers le plein air. C'est pas juste d'aller dans un musée, d'aller entre quatre murs, d'aller devant un ordinateur pour faire la visite. C'est d'aller sur le terrain, d'aller vraiment découvrir la place. Sur la terrine. Sur la terrine. Wow. Un autre point en studio. Merci. C'est maintenant un. On va arrêter de noter l'heure. Toute la chronique, on fait des bonnes jokes. Mais ça n'arrête plus. Maintenant, je vais vous parler des impacts. En fait, c'est des impacts positifs que le tourisme gourmand a. Au niveau économique, premièrement, ça permet une nouvelle gamme de produits agricoles. Tu sais, souvent, on avait juste le produit en tant que... Mettons, on fait la céréale, on le vend. Mais là, il y a d'autres choses autour de ça. Puis on est... c'est ça, il y a d'autres choses. Il y a la visite, il y a le marché, il y a l'événement et tout. Mais il y a aussi qu'on peut étirer la période touristique. Au lieu de se centrer juste sur l'aspect, ça c'est juste au printemps, ça c'est juste pendant 2 mois dans l'année, on étire ça, on fait des visites, on fait découvrir plus que juste le produit. Est-ce que tu es en train de me dire qu'on touristique pas juste sur une affaire, t'sais? On touristique pas juste sur une affaire? T'as pointu, on stick sur une affaire, t'sais? Comme dans, quand tu stick sur quelque chose? Touristique. On l'a compris, mais je suis pas sûre qu'on l'a trouvé drôle. Non, attends, on n'a trop pas l'heure. On a un demi-point, là? Un demi-point? Un quart. Un quart de point. Juste une main d'applaudissement. OK. Bon, c'est réglé. Au-delà de l'aspect économique qui est positif pour les différentes régions qui reçoivent à travers leur route de tourisme gourmand, on a aussi un aspect social qui est très positif. Il y a une fierté de peuple. Il y a une fierté de communauté à présenter son produit qui le démarque, son image de marque. Donc ça, économique et social, le tourisme gourmand a un très gros impact positif. Maintenant, comment est-ce qu'on peut développer le tourisme gourmand dans notre communauté? En cultivant plus de choses. Local. Local. Ouais. En faisant affaire avec des agriculteurs locaux. Exact. En trouvant des bons chefs, tu sais, pour venir cuisiner ça dans une place. Qu'est-ce que les Indiens ont un rapport là-dedans? Grand chef. Chef. Ah, chef! Caroline, OK. Est-ce que je la note, celle-là, Marlène? Ah, elle était bonne, elle était bonne. Elle était OK, parfait. Il est présentement 8h15. Merci. Jamais les gens auront été aussi au courant de l'heure. C'est ça, de chaque gag. Une émission juste pour annoncer l'heure. Fait qu'on fait des alentours pour annoncer l'heure. Jusqu'à maintenant, on a 8h08, le gros touriste. 8h13, sur la terrine. 8h14, touristique pas là-dessus. Et 8h14, le grand chef. Jusqu'à maintenant, c'est un résumé. Okay, oui, c'est notre pour... vraiment tout, c'est génial. C'est le but. Pour ceux qui viennent se joindre à nous. On va les répéter toutes les 3 minutes. C'est le moment des meilleurs moments. On regarde la prise au ralenti. Le grand chef. Oh, j'ai chaud dans ma gueule. Ben non, c'est pas vrai. C'est une blague. C'est pas vrai. J'ai vraiment fret. Aucun rapport. Donc, pour l'aspect comment développer le tourisme gourmand. Essaie de rester sérieux après ça. Oui, c'est ça. Comment développer le tourisme gourmand? On fait un montage. Ah non, c'est pas ça la réponse. Une communauté doit aller aussi par un développement de son image de marque à travers ses produits qu'elle veut offrir. Puis tantôt, on parlait que les touristes étaient à la recherche d'un élément unique, authentique. Bien, misez l'image là-dessus, mais faites attention pour ne pas tomber dans le sensationnalisme à dire la seule place qui offre ça, puis de trop en mettre, parce que là, tu mets les attentes tellement élevées que tu risques de les décevoir, puis tu risques de cibler sur juste un aspect, alors qu'il y a tellement d'éléments qui entourent le tourisme gourmand, comme je vous disais tantôt, au-delà du produit. T'as les visites reliées, t'as l'aspect agricole, t'as le marché, t'as les événements. Aussi, la qualité des produits. Si on veut développer du tourisme gourmand, c'est important de miser sur la qualité. Ces gens-là, ils ont les moyens d'aller sur le pays, ils ont les revenus, on l'a vu. Offrir quelque chose de qualité, ils vont payer pour. Essayez pas de rendre ça le moins cher possible. Ouais, vous allez juste perdre la notion de tourisme gourmand. Ouais. Les partenaires que vous allez... avec qui vous faites affaire, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les restaurateurs ou tout, ne les voyez pas comme des concurrents. Travaillez vraiment en équipe avec eux. En fait, votre touriste, il va aller à chacun de vos services si vous faites équipe, puis vous offrez ça en tant que combo à travers cette expérience-là. Aussi, un aspect qui est très, très important, l'accueil que les différents professionnels que je disais tantôt, restaurateurs, agriculteurs et tout, c'est eux le lien direct avec le client. Fait que l'accueil et le professionnalisme qu'ils vont avoir va faire aussi toute la différence parce que c'est l'image que les gens vont se rappeler de la communauté en général, de la façon qu'ils vont expliquer l'histoire, de la façon qu'ils vont faire goûter le produit. Donc, voilà. Ça, c'était vraiment les éléments les plus importants si on veut développer du tourisme gourmand. Sinon, vous pouvez toujours vous référer à ceux qui existent déjà, voir ce qui se fait ailleurs, voir comment vous pourriez mettre en place. Mais c'est un élément important parce que ça peut mettre sur la map votre ville. Des fois, c'est un petit village, c'est comme Saint-Élie-de-Caxton et tout. C'est par des éléments qui... unique. D'originalité. D'originalité que vous mettez la ville sur la map. Tout à fait. Voilà ce qui est du tourisme gourmand ce matin. C'était bon, ça, comme chronique. Génial. J'en ai quelques-uns. J'ai mis quelques jokes dans mon tiroir. Moi aussi, tiroir. Oui, oh! Joke du tiroir. Bravo. Oh, un autre point! Faut que tu notes. Ouais, c'est ça. Oui, je vais prendre toute la fin, en fait. À partir de 8h18. Oui, parce que là, c'est en rafale. Écoute, probablement jusqu'à 8h45, parce que j'en ai noté quelques-unes. Parce que là, moi, j'ai déjà essayé de faire ça, genre offrir des produits, locaux et tout. Puis, mais j'ai tout acheté au Super C. Je dois t'avouer que ça n'a pas super marché. OK. Puis, finalement... encore d'autres chances, là, quand oui, même. Est-ce, je sais pas si tu en as quelques-unes. Moi, j'ai fini avec une chanson. Est-ce que tu veux qu'on alterne? Parce que j'en ai une couple. Moi, c'est tout, mais il me reste une chanson. Je t'ai composé une chanson, Mathieu. Pour la fin, OK, parfait. Oui. Moi, je vais reprendre ton produit du tiroir. Moi, oui. J'appellerai un magasin produit du tiroir où ils vendraient une de la ficelle, des élastiques, des attaches poubelles. C'est le produit du tiroir, OK? Oui. Ensuite, quand tantôt t'as parlé d'aspect agricole, ça sonnait comme un spa agricole. Spa agricole, ça, c'est un spaghetti bouse de viande. Un spa agricole, spaghetti bouse de viande. Fait que ça, c'est la mienne. Oui. Mais comment t'as commencé ta phrase? Je suis pas sûr. Parce que... Asperge agricole. Ouais. Non? OK. Bon, ouais. Bon, OK, est-ce que c'est l'heure de ma chanson? S'il te plaît. OK. C'est sur l'air, tu sais, de « Comme il est doux à travers les brumes ». Est-ce que ouais, ça vous... Il est doux. OK, check bien ça. C'est le ça, l'hymne... Mathieu, il la connaît pas, cette tune-là. Tu la connais pas? Ben oui. OK. Non, mais c'est une chanson hymne au produit du terroir, c'est moi qui la faisais. OK. À travers les ailes, il faut toutes les manger, comme c'est bon. Comme c'est bon. On peut mettre un loop là-dessus. OK. Ouais. Ça va être ça. Ouais. Ça va être ça. Tu veux qu'elle joue combien de fois de suite? Ah, comme l'original. Là. Comme l'original. 4 minutes 23. Ouais. À travers les ailes, il faut toutes les manger comme c'est bon. Une dernière fois. Là, moi, dans le fond, je suis naïve à penser que vous m'écoutez. Là, vous faites juste des jokes dans votre tête pendant que je parle. Là, et puis là, vous essayez de toutes les retenir jusqu'à ce que ce soit votre tour de parler. Au moins, on n'en fait pas pendant ta chronique, sauf les 6. Pendant ma chronique. Sauf les 6 que j'ai noté. Non, mais ça, c'est pas des jokes, ça, on se réchauffe. Pas de trouble. Comme un plat au micro. Oh, oh, comme c'est bon. Comme c'est bon. Ah, Jean-Philippe. Ah, Mathieu. Quel chef-d'œuvre. Marie-Laurence Audet, toi aussi, un vrai chef-d'œuvre. Je t'ai épuisé, Mathieu. Extra. C'est pas vrai, c'est une blague! On est en forme! Voilà pour la chronique de loisirs, bien plus qu'un jeu. Dans quelques instants, ce sera la chronique de la GQTR, toujours avec Marie-Laurence Audet. Mais avant ça, vous avez mangé, vous êtes gâté. Et là, ben, Colin, ça pue quand tu parles. Mais oui, bonne soirée, hein? Je te dis. Quand tu parles. Oui, et sa guitare. Assemblage requis. C'est fou comme c'est bon. Ça pue quand tu parles. T'as beau te brosser les dents, t'as beau te passer la soie, c'est dans ta voix. Ouais, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Tu prends de la place, personne t'écoute, même quand tu parles trop fort. C'est qu'ils osent pas te dire de te la farmer, mais moi je fais un effort. Ouais, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ouais, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Commentaire méchant, ton potinage pour moi c'est du vent. Un vent mauvais. Tu coupes tout le monde, tu cries pour rien, y'a juste toi qu'on entend. En autant que personne parle de toi, tu penses qu'on est content. Mais ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ouais, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. La prochaine fois t'as le goût de parler, téléphone-toi. Réponds-toi, écoute-toi, raccroche-toi pas. Trouve ce qui pue. Dis-moi. dis-moi quand t'es rendu. Mais là, fais quelque chose, car ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ouais, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ouais, je m'excuse, mais tu sais pas de quoi tu parles. Tu sais pas de quoi tu parles. Ça pue quand tu parles. Ouais, fais quelque chose, car ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Moi, les artistes qui nous insultent de même, là, ça me donne juste envie de jouer une pub et revenir après ça avec la collègue de l'âge de UQTR. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou. 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis. Merci de rester avec nous en ce mardi 1er avril 2014. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. En plus, on a du fun avec Marie-Laurence Audet. Hey! Si vous n'étiez pas avec nous tantôt, vous avez manqué une création originale musicale de la part de Jean-Philippe Charbonneau. Ben oui. On va la refaire à l'instant. Mais là, j'ai perdu mon texte. T'as pas ça par cœur. À travers les ailes. Non, c'était pas ça. Comme ça. Ben, c'était proche en tout cas. Non, mais pour de vrai, j'ai... Tu vois, ça m'apprendra d'essayer de recréer un moment qu'on a déjà vécu. Je m'excuse. L'autre fois, là, il a chanté Celebration Good Time Come On comme 1000 fois. Là. OK? Ouais. Puis, à la fin de la semaine, il a oublié c'était quoi la mélodie. Hein? Oui. Il se disait, mais c'est quoi déjà la mélodie de Celebration Good Time Come On? Moi, je suis quelqu'un qui fait des jokes poissons, là. Poisson d'avril. je fais des jokes, puis je les oublie tout de suite pour laisser place à la créativité. Moi. N'importe quoi. Moi, mes chansons. Vous êtes là, qui, vous? Je suis où? On m'a inséré dans une émission que je connais pas. Moi, là, quand je chante une chanson, je la connais puis je la chante exactement pareil, même avec des gens qui sont plus dans l'équipe. on pourrait ne pas mettre la chanson thème puis la chanter pour de vrai. OK, attention. Est-ce que tu la connais? Ben, moi, je pense que oui, mais je suis pas sûr. On va essayer, OK? Attention. Je vais mettre ça, mettons, comme fond. Ah, ouais, c'est bon. Parce que t'as pas d'âge. Parce que la GEQ. Peu importe ton âge. Tu vois la GEQTR. Parce que la GEQTR, ça pas d'âge. Yo. Voilà. C'est presque pareil comme la vraie. C'est donc la chronique de la GEQTR avec Marie-Laurence Audet. Oui. C'est vrai. Rebon matin. Rebonjour à tous. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Parce que j'ai changé de chapeau. On rappelle les blagues qu'on a faites tantôt. Donc... On recommence la journée. Donc, là, j'ai écouté, il se passe toujours plein de choses. Et je pense que si... en tout cas, la logique me dirait qu'on commence probablement aujourd'hui avec la chose la plus importante, n'est-ce pas? Ou est-ce faux? C'est quoi la chose la plus importante selon toi? On est le 1er avril, si je crois. C'est le poisson d'avril! C'est la chose. Il se passe rien à la GE, c'est faux. Non, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très important aujourd'hui, en ce 1er avril. C'est l'Assemblée générale annuelle des étudiants à l'UQTR. Donc, ça a lieu au 10-12, le 10-12 que vous connaissez tous à côté de la Chasse-Galerie. Celui qu'on appelle le gymnase, mais qui n'en est pas un. En guillemets. Oui. Donc, au 10-12, dès 13h30 jusqu'à 17h, aura lieu l'Assemblée générale annuelle. Vous pouvez trouver en ligne, dans le fond, l'ordre du jour. Il y a différents points, certains qui vont porter plus à débat que d'autres. Ouais. Est-ce que vous voulez que je vous en nomme une coupe? Ben oui, ce serait le fun. Il y en a plein, en plus. Bon, ben, je peux vous les nommer, en fait. Ben hein. Oui. On a... C'est assez gros. Oui, mais c'est parce que tu sais, je l'ai répondu. C'est la spéciale. Sur la réunion. Oui. En fait, je t'explique le concept. On termine l'assemblée de l'automne. Où là, on avait perdu le quorum, je me souviens. Là, on avait perdu le quorum. Donc, on termine l'assemblée générale annuelle. Puis ensuite, quelques minutes après, on commence l'assemblée générale spéciale qui a toujours lieu à l'hiver. C'est comme un flashback en 2013. Donc, il faut s'habiller comme on s'habillait à l'époque, j'imagine, pour le début de la première partie. Donc, on a différents points à l'ordre du jour. Je ne vais pas tous vous les nommer, mais on va parler du pavillon de la vie étudiante. On va parler de la halle garderie. On va parler de la chasse à Sarrazin, qui est le nouveau café qui a ouvert au pavillon Michel Sarrazin. Mm-hmm. On va parler de la fondation. Il y a 1 million de sujets, les uns les plus intéressants que les autres. Mais sérieusement, dès 13h30, on vous attend en grand nombre. C'est autant votre droit que votre devoir d'être présent à cette assemblée-là. C'est le temps de vous exprimer en tant qu'étudiant, à donner votre avis si vous voulez être d'accord avec la suite des choses. Il faut aussi aller dire son mot, il faut aller voter, il faut aller prendre part à l'action. Donc, de 13h30 à 17h, il y a une levée de cours à l'université, exprès pour que les étudiants puissent se présenter à l'Assemblée générale annuelle. Tout à fait. Et ça, les informations sont évidemment sur hqtr.org. Exactement, sur le site ageuqtr.org. Vous retrouvez l'ordre du jour des deux assemblées que nous allons effectuer dès 13h30. Le flashback et le présent. Si tu veux, Mathieu, je peux t'en faire un ordre du jour. Bon. Aujourd'hui, 9h arrivera après 8h. Ça suivra 10 heures. L'ordre du jour. Ouais. AM suivre ça suivi de PM. Oui, sinon on peut toujours dire qu'aujourd'hui il faut absolument être drôle. Ça, c'est l'ordre du jour. À date, t'es un rebelle. C'est un ordre. T'es un rebelle. Je suis un rebelle. Je ne suis pas les règles. Je suis Jean-Philippe Chabonneau. Et j'accepte ce message. Donc, on vous attend en grand nombre pour l'Assemblée générale annuelle. Maintenant, un autre point que je voulais aborder avec vous. On a eu la semaine dernière une campagne électorale pour les nouveaux membres du conseil exécutif de la GEQTR, les nouveaux membres qui vont rentrer en poste le 1er mai prochain pour un mandat d'un an. Donc, on peut encore une fois sur le site Internet de la GE retrouver les différents pourcentages de résultats. Mais je vais vous les nommer, c'est toujours intéressant. Donc, pour l'année 2014-2000, ben en fait, 1er mai 2014 jusqu'au 30 avril 2015. Nous aurons à la présidence Mathieu Roy, qui est élu à 82%, qui était déjà en mandat, donc qui renouvelle son mandat de présidence. Vice-présidence aux finances et développement, M. Christian Junior Bourdon, qui est rentré à 90%, et lui qui est notre ancien vice-président aux affaires sociopolitiques. Donc déjà à l'interne du conseil exécutif, change de poste. Le vice-président de la vie associative à l'environnement, ça a été une lutte très chaude entre Audrey Cloutier et Robin Fournier. C'est Robin Fournier qui est finalement entré avec 50% des voix contre 43 de Audrey. Donc, c'était vraiment une lutte très chaude. Très serré. Le seul poste où il y avait deux candidats. Le seul poste où il y avait deux candidats parce que les autres postes, dans le fond, se battaient contre la chaise. Maintenant, le vice-président aux affaires académiques de premier cycle, William Lamontagne, le plus haut taux à 91%. Ensuite, lui, c'est un nouveau au sein du conseil exécutif. Oui. Vice-président aux affaires académiques des cycles supérieurs, encore une fois un nouveau, Karim Laroussi, élu à 74%. Nous avons aux affaires sociopolitiques, Alex Brisebois-Prou à 85%, qui lui aussi est un nouveau. Et aux communications, c'est un renouvellement de mandat de la part de Cathy Simon, élu à 90%. Et qui avait remplacé quelqu'un qui avait quitté en cours de route. Exactement, donc est arrivé en mi-mandat, a complété son mi-mandat et renouvelle, a apprécié l'expérience en fait. Donc, voici votre nouveau conseil exécutif pour la GEQTR pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015. Donc, bientôt, il va y avoir une transition entre les membres actifs et les futurs membres du conseil exécutif pour la passation des savoirs. Du flambeau! Flambeau! Voilà. Autre chose, je vous en avais parlé il y a 2 semaines lors de ma dernière chronique de la GE, mais je tiens à vous le rappeler parce que là, on est en plein dedans. On est dans une période électorale provinciale. On a une chance, il y a une nouveauté cette année, une initiative de la part du directeur général des élections du Québec de mettre en place des bureaux de vote étudiant dans les universités de région parce que les gens souvent sont pas du coin et habitent loin. Donc, on peut retrouver à l'Université du Québec à Trois-Rivières au 40-20 Ringuet, donc 4e étage du pavillon Ringuet, un bureau de vote étudiant où toute la population étudiante UQTR peut aller voter. Tu as juste à aller montrer une preuve d'identité comme tu aurais montré n'importe où dans ta circonscription. Pas besoin de ton petit papier électoral qui envoie chez tes parents qui est à 10 ans d'ici. Pas besoin d'aucune autre preuve. Dans le fond, il faut une preuve officielle que ton adresse, que ton nom et tout, qu'eux peuvent rentrer les informations dans leur système électronique. Et à ce moment-là, tu votes à l'UQTR pour les gens de ta circonscription, de ta provenance. Fait que si, par exemple, tu viens de l'Abitibi, tu peux voter pour ton candidat d'Abitibi en mettant les pieds au 4e étage Ringuet de l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est quand même magique. Ouais, c'est génial. Il faut peut-être te renseigner, évidemment, sur tes candidats locaux sur Internet. Exactement, ça, c'est certain. Sauf que, pour vrai, c'est une initiative extraordinaire. Ça fait des années que les étudiants se battent pour avoir accès à ça. Maintenant qu'on l'a à quelques pas, à un pavillon près, profitez-en, utilisez-le et montrez au gouvernement que vous l'avez demandé. Maintenant qu'on l'a, on l'utilise et on est heureux. Si vous ne l'utilisez pas, vos prochaines demandes passent dans le beurre en disant « Peu importe ce que vous demandez, vous ne l'utilisez pas. » Ce serait stupide de ne pas y aller pour vrai. On l'a et avec ce genre d'initiative-là, ça permet aussi aux étudiants de faire une différence dans le vote électoral. Donc, élection provinciale, on sait que officiellement, c'est le 7 avril prochain que ça a lieu partout au Québec. Sauf que là, on a la chance. Il nous reste aujourd'hui, demain et jeudi, 1er, 2, 3 avril, de 9h le matin à 21h le soir pour aujourd'hui et demain. C'est en plus et des longues journées, oui, c'est fini à 9h21h. De 9h à 21h aujourd'hui et demain, et jeudi, c'est de 9h à 14h. Donc, vous vous présentez là avec une pièce d'identité. Vous pouvez voter pour les candidats de votre circonscription, même si vous venez d'une autre ville au Québec. Et sachez que si vous n'y allez pas, on vous juge. Oui. C'est dit, là. On vous juge. C'est vraiment dit. Vraiment. Mais profitez-en pour de vrai, là. C'est important. Autre chose que je voulais vous parler, on a, là, je vous ai annoncé les différents candidats qui allaient occuper le poste au conseil exécutif l'année prochaine. Deux postes sont encore vacants. Présentement, il y a donc une ouverture de poste. Si vous êtes intéressé, il y a encore possibilité d'appliquer. Les deux postes sont au secrétariat général et à la vice-présidence aux affaires socio-culturelles. Qui est mon poste en ce moment. Donc, je vais faire une mini-description des deux postes. Et si vous vous reconnaissez, allez appliquer. Vous avez jusqu'au 18 avril pour aller chercher au secrétariat de l'AGE qui est situé au pavillon de la vie étudiante. Vous allez chercher une feuille, vous faites remplir une soixantaine de signatures pour backer votre idée de vous présenter, montrer que vous n'êtes pas seul au monde, mais qu'il y a du monde qui serait intéressé que vous soyez là. C'est vraiment pas compliqué à faire. Tu te promènes à la chasse-galerie un soir de brosse. Non, mais c'est vraiment pas compliqué. Ça fait peur, 60 signatures, mais c'est vraiment pas compliqué. Et après, vous allez pouvoir être élu lors du prochain conseil d'administration, le prochain qui a lieu le 27 avril. Donc, le poste de secrétaire général, en fait, a les tâches qu'on connaît plus de secrétariat, donc la rédaction des PV, l'ordre du jour, tout cet aspect secrétariat-là, les gens le connaissent. Mais c'est vraiment la référence légale à l'interne du CX. Au niveau des lois, c'est la personne qui a le plus de connaissances, qui sait le plus vers quoi se retourner. C'est peut-être le poste le plus difficile à remplir, honnêtement, il me semble, non? De trouver quelqu'un qui a ces connaissances-là à la base. Mais t'as pas besoin d'étudier en droit. Souvent, c'est... S'il y a des affaires de loi à aller chercher, c'est toi qui vas aller les chercher. Okay. Tant mieux si tu as des connaissances de base, mais c'est pas parce que tu n'étudies pas en droit et que tu connais pas par cœur le code Morin que tu peux pas le faire. Il y a des outils pour ça. Et en tant que secrétaire général, veux pas, tu es le bras droit souvent du président aussi pour différents mandats. Donc, il y a Mathieu Roy est amputé en ce moment d'un membre. Elle est là. Hein? Il est amputé de deux membres parce que nous avons deux postes vacants. Donc, le socioculturel, c'est quel membre? C'est le bras gauche. Non, c'est la jambe. Ouais. C'est le party. le membre party. Membre party. Mais au socioculturel, en fait, je vous en parle avec mon cœur. C'est le poste que j'occupe présentement et je termine mon mandat le 30 avril. Je vous invite vraiment à aller occuper ce poste-là. Personnellement, je trouve que c'est le meilleur, c'est certain. Je ne suis pas du tout biaisée. C'est au moins dans le top 10. Facile. C'est dans le top 10 des meilleurs postes des 9 postes. Mais dans le fond, c'est tout ce qui a trait à la planification, l'organisation des différents événements sociaux et culturels à l'université, que ce soit le party de la rentrée, les différentes activités de la Coupe des associations. On a vu des concours de poésie, des concours de photos. On a vu quand on a fait une activité cabane à sucre. Oui, c'est ce dont les gens parlent le plus de l'AGE. Oui. C'est tout le temps des affaires qui ont rapport avec le socioculturel. Oui. Donc, c'est ce poste-là que vous allez occuper. Vous allez avoir fou de crédit, ça. Parce qu'en fait, les activités au socioculturel, c'est par cette réalité-là que tu approches les étudiants pour leur faire connaître l'AGE. Donc, c'est vraiment un beau poste. Tu rencontres plein de monde. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, c'est énorme comme apprentissage. Que vous ayez un peu ou beaucoup de connaissances au niveau de l'organisation, vous allez vraiment en développer. Et ce qui est spécial aussi en travaillant au sein de l'AGEQTR, c'est que tu vas développer des compétences au niveau politique. Ce que c'est pas tout le monde qui a en tant qu'étudiant à faire part d'un conseil d'administration. Il y a des idéologies qu'il va falloir que tu défendes et tout. Pas besoin d'être le premier plan gréviste et tout, là. Juste, tu comprends mieux les rouages des fois de la situation politique. Ce sont des beaux postes, ils sont vacants. Vous avez jusqu'au 18 avril pour appliquer si ça vous intéresse. Et ensuite, conseil d'administration du 27 avril, les candidats intéressés vont être élus. Superbe. Les postes sont vacants. Vacant, va maintenant t'inscrire. Vacant, va maintenant t'inscrire. C'est pas pire. Une autre ouverture de poste, mais c'est pas parce que c'est vacances, c'est parce qu'on est rendu à la période d'année où on ouvre ce poste. Prochain coordonnateur du carnaval étudiant. Nous sommes maintenant à la recherche du prochain coordonnateur du carnaval étudiant. Pour l'édition 2015, nous recherchons le coordonnateur du carnaval. C'est très simple, vous avez jusqu'au 11 avril pour appliquer. Vous venez porter votre CV au bureau du au pavillon de la vie étudiante. Et à ce moment-là, on va passer en entrevue les différents candidats et on recherche la perle rare. Donc, si Organiser un événement d'envergure t'intéresse. Si tu maîtrises bien les niveaux planification, organisation, gestion des ressources humaines, parce que sous toi, tu vas avoir différents comités. Il faut que tu tiennes un budget. C'est un beau projet qui va te prendre du temps, mais c'est une expérience de vie aussi, là, pour vrai. Il faut que tu saches l'intégrer à ton horaire, te dire que tu vas voir tes comités, c'est toi qui sont un peu comme tes enfants, en fait. Il va falloir que tu sois présent pour eux, que tu saches répondre à leurs questions, que tu saches les enligner. T'es pas tout seul pour faire ça, puis tu peux t'entourer aussi de tes amis, parce qu'une fois que tu vas avoir été élu, c'est toi qui crée tes comités. Fait que tu vas, at large, lancer le message que les comités sont ouverts. Mais si tu sais que t'as des gens dans ton entourage qui ont des forces en commandite, en bénévole et autres, va les chercher, entoure-toi. Ce poste-là, il est hyper important, car c'est la tête du Carnaval étudiant, qui a un événement très marquant sur le campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, le Carnaval étudiant qui a toujours lieu pendant 4 jours, au mois de janvier. Donc, la personne qui va être élue va rentrer en poste le 1er mai prochain et va avoir de mai à janvier pour livrer un événement d'envergure qui s'adresse à 10 000 étudiants. Ben c'est oui. Pas rien sur un CV non plus. C'est mieux d'être bon avec autant aussi long de parcours. Il y a beaucoup de traditions à travers le Carnaval. Donc, oui, vous avez place à la créativité, mais n'ayez pas peur en disant genre, je pars d'une feuille blanche puis il faut que je crée un carnaval. Il y a des bases aussi qui reviennent d'année après année, des activités typiques qu'on retrouve. Le quiz, c'est fou la musique. Genre. C'est sûr, c'est l'heure. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Le plus connu. Le plus haut taux de participants. Le plus apprécié. Parle pas de taux de participation, toi. C'est une blague. Une blague contre la GE. C'est une blague. Oh. On fait pas ça, on fait pas des blagues de même, disons. Ah, j'ai le chapeau de la GE. Dernière activité que je voulais vous parler qui s'en vient avec très grand pas. Très grand pas, j'ai fait un jeu de mots. Un mini marathon. Mais c'est des petits pas. Des petits pas. C'est en fait organisé par une association de niveau 3, donc une association par intérêt qui est les étudiants du Congo. Oui. Donc, l'association, le regroupement des étudiants congolais qui organise un mini-marathon qui va être de 10 km le 12 avril prochain et qui va passer, entre autres, sur le campus... Ben, en fait, qui va partir du campus de l'UQTR et qui ils ont fait un parcours dans la ville. Présentement, l'événement a été lancé, la publicité a été lancée. Si vous voulez vous inscrire, on attend que vous. Si tu veux transformer ça, mettons, en tourisme gourmand là, tu peux aussi te payer une frite à chaque coin. À chaque coin de rue. Tu peux faire ça. Pas de stress. Okay. On arrête au Café Morgane, parce qu'il y en a plusieurs ici. Oui, c'est un rallye. Un rallye Café Morgane. Donc, on vous attend un grand nombre. Comme j'ai dit tantôt, la publicité a été lancée. C'est gratuit. Puis, c'est une très belle expérience, encore une fois. Qu'est-ce qui se passe le 12 avril? Pourquoi tout le monde fait des événements le 12 avril? Voyons c'est non. Une petite parenthèse. Oui, c'est intense. C'est vraiment intense. Ah ouais? On a remarqué ça, Jean-Philippe et moi. Ah ben. Le 12 avril, pouf ça. Je sais pas pourquoi, mais il y a 1 million d'événements le 12 avril. Belle date, mais tu sais, c'est pas mieux. Le 11, tu sais, c'est 1-1-4-1-4. C'est quand même cool comme date. Ah oui. Mais le 12, hein. On annule. Ouais. On annule tout. Et voilà, c'est qui fait le tour des événements qui s'en viennent, puis de... En fait, de l'actualité de l'AGE UQTR. C'est parfait. On te remercie parce que tu viens aux 2 semaines faire la chronique de l'AGE UQTR maintenant. Yep. Donc, on a plus de matériel parce qu'il faut couvrir les 2 semaines. Voilà. Ça ressemble à ça à date. Ça ressemble à ça. Donc, merci Marie-Laurence Audet. Merci à vous. Et on se retrouve dans 2 semaines pour ta chronique le loisir bien plus qu'un jeu et l'AGE UQTR. Ça, c'était à 8h et 8h30. Exactement. Les mardis. Et merci beaucoup. Merci à toi. Nous, on prend une petite pause musicale. Tu nous as parlé tantôt, Marie-Laurence, qu'on cherchait la perle rare au socioculturel. Donc, voici Alexandre. Désilé. Et perle rare. Assemblage requis. Balaye les fonds pour un bout de liberté, ma perle rare. Tu cours après le plan et toujours au nom de l'amour, tu es décidé à te laisser. Emporté par le charme, les mélodrames d'une vie inventée. Alexandre Desilets, perle rare. Ouh, perle rare. Tu sais, une perle rare, Jean-Philippe, ça pourrait être aussi un euphémisme. Mm-hmm. Perle rare que tu guisounes avec le doigt. Voici Kinky Sexy Time. Tu t'es déplacé un peu. Non. Donc, okay. Donc Kinky c'est une Sexy Time. Belle entrée en la matière. Oui, entrée de doigt dans le en la matière. Donc, on commence. Ça, c'était déplacé, celle-là, par contre. Ouais, je suis. Là, je l'ai dépassé. Commençons avec les seins, les poitrines, dans cette chronique pour un public plus ou moins averti. Comme toujours, Kinky Sexy Time. Les poitrines qui ne font pas que du rebondissement de haut en bas. Généralement, on se dit que les femmes, quand elles courent, qu'elles ne portent pas de brassière, que leurs seins rebondissent de haut en bas. Par contre, les chercheurs de l'université de Portsmouth, en Angleterre, ont conduit une étude qui montre que la trajectoire des seins est en fait en figure 8, donc en 8. Ah oui? Comme au patin, ça fait des 8. Comme impressionnant. Donc, ils leur ont fait faire du jogging sur différentes pistes avec différentes sortes de soutiens pour les seins. C'était pour déterminer si les mouvements du sein avaient un effet sur la performance à la course pour les femmes. L'étude nous a appris donc que le rebondissement des seins n'a pas d'impact négatif sur la performance d'une coureuse, que c'est préférable par contre pour elle de porter une brassière avec un soutien. Malgré la recherche, la majorité des brassières sur le marché sont faites pour supporter les seins, soutenir les seins, comme s'ils rebondissaient de haut en bas, parce qu'ils n'ont pas fait d'études. Les compagnies de brassières ont juste pris les seins et ont mis un cerceau en dessous. C'est pas pour le 8 qu'on connaît. Donc, il faudrait éventuellement qu'on améliore ça. Ils sont en train, justement, les compagnies de brassières, de soutien-gorge, de penser à ça. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Il y a une personne qui écrivait pour Disney, qui, à la blague, a suggéré qu'on devrait faire un film de porno de Disney et a été sacré dehors sur le champ. Oh. On avait déjà mentionné le sujet, mais on l'approfondit un petit peu plus cette fois-ci. À quelques heures après le début de sa première journée de travail, Harlan Ellison et ses collègues, donc écrivains, auteurs, si on veut, sont allés dîner. Et pendant qu'ils mangeaient, Ellison a commencé à faire des petites blagues comme ça, de façon quand même drôle, funny stuff. Donc, disant qu'il a commencé à imiter une porno de Disney, mais avec les voix des personnages, il les imitait, tu sais. Donc, Roy Disney, qui est le frère plus âgé de Walt Disney, qui était à la table d'à côté avec ses amis, il a pas pu s'empêcher d'entendre la conversation de Ellison. Et quand il est retourné à son bureau cet après-midi-là, Ellison avait un petit pink slip, donc un petit papier rose de « je te renvoie » sur son bureau. Et son stationnement avait déjà vu son nom être retiré. Wow! Ça n'a pas été son long. Premier jour au travail. Hein? Ouais. Bravo, monsieur. Déjà, commence pas avec ça. Le fruit interdit qui est mentionné apparemment dans un roman à succès, c'est Twilight, je pense, non, la Bible. La Bible. ça provient du mot latin malus, qui peut vouloir dire pomme ou le mal, evil. Okay. Donc, dans la Bible originale, d'origine, il n'y avait pas. C'était pas une référence à la pomme, c'était une référence au mal. Mal. Ah. Donc, la double définition qui provient, comme on sait, qui a causé des problèmes dans la Bible, des confusions. Donc, c'est pas le premier texte ancien à mettre en vedette des pommes comme tentation. Dans la mythologie grecque, Zeus et Héra étaient propriétaires d'arbres de pommes dorées. Et la tentation de ces pommes-là était la motivation de guerre. Donc, c'est ce qui a motivé des guerres. La pomme est un symbole, un symbole qui non seulement est délicieux, mais en plus a des connotations sexuelles dans la littérature. Et parce qu'à l'époque, c'était un aphrodisiaque. La pomme. Étant donné son contexte historique, ça aurait du sens que dans la Bible, le fruit interdit que tentaient Adam et Ève serait en fait une pomme, peut-être même dans l'original, même si ça le dit pas. Peut-être que c'est un jeu de mots entre le mal et la pomme. Peut-être que c'était voulu. On sait pas, mais il n'y a aucune raison de savoir. D'ailleurs, c'est compliqué en hébreu. Donc, dans la version originale en hébreu, la nature du fruit n'est pas spécifiée. Et pendant l'histoire, les rabbins ont suggéré que c'était une figue ou un raisin. Donc, dans la Bible en hébreu, la version originale, c'était soit une figue ou un raisin. Fait que dans le fond, si je comprends bien, on le sait pas. On le sait pas. Quand c'est frais, c'est pomme. est-ce que tu t'es déjà demandé ce que voulaient dire les symboles? Tu sais, le petit rond avec une flèche, le petit rond avec une croix. Ah oui, pour monsieur, madame. Monsieur, madame, mais on se demande tout le temps, c'est lequel qui est lequel. Moi, j'ai tout le temps la difficulté à me rappeler lequel qui est lequel. Peut-être que toi aussi. Oui. Ben, ça arrive. Ben, je sais que j'ai un truc, mais je me souviens pas de mon truc. Je crois le truc, c'est la flèche. Pour moi, c'est comme un engin masculin parce que tu vas entrer comme une flèche dans ta cible. Et la croix a deux côtés, donc c'est une poitrine. Il me semble que c'est ce que je m'étais rappelé. OK. Dans ma tête. Mais on va lire l'article parce qu'il y a des détails. Des détails. Des détails. Donc, les symboles qui sont en fait d'origine astrologique. Le mâle, le masculin, est le symbole céleste pour la planète Mars. C'est supposé ressembler à un bouclier donc une flèche parce qu'ils sont associés à Mars qui est le dieu de la guerre. Donc ça c'est le symbole mâle. Le symbole féminin, c'est le symbole céleste de Vénus qui est la déesse est-ce qu'on dit romaine? Oui, romaine. De l'amour, de la beauté et du sexe. Il y a moins de consensus par exemple à la représentation, ce que veut dire le symbole en tant que tel. Une des explications les plus populaires c'est que ça représente le miroir que tenait Vénus dans sa main. Donc, okay. Ce serait ça le symbole, la croix dont tu tiens un miroir. Le miroir. Curieusement, le symbole de Mercure, donc le messager à elle, est utilisé pour représenter la femme vierge. Et ça ressemble au symbole de Vénus, mais avec des cornes. Vous pouvez aller voir la photo qui est sur assemblagerequis.com. Si j'avais Internet, je te le montrerai à toi, mais j'ai pas Internet en ce moment. Voilà. Oh! Donc, c'est un symbole de femme avec des cornes. Intéressant quand même. Donc, je pense que mon indice fonctionnait aussi avec le Oui, ça marche bien. Au Canada... Justement, c'est l'article que je cherchais tantôt dans la première partie de la chronique. On a parlé d'âge de consentement pour les relations sexuelles au Canada. L'âge au Canada a été augmenté et monté de 14 à 16 ans en mai 2008. En juin 2006, le gouvernement canadien a proposé à ce qu'on augmente l'âge de consentement de 14 à 16 ans tout en créant une clause qu'on appelle « Close in Age Exemption » pour les relations de partenaires qui ont entre 14 et 15 ans avec un partenaire qui a 5 ans jusqu'à 5 ans de plus. Okay. Et garder une clause qui était déjà intégrée aussi pour les relations entre des personnes qui auraient 12 et 13 ans avec un partenaire qui aurait jusqu'à 2 ans. Donc ça, c'est des clauses qui, j'imagine, font que c'est peut-être pas un crime. Peut-être que j'ai pas trop les détails, mais j'imagine que c'est moins grave. L'initiative maintient aussi l'exception pour les mariages qui existaient déjà entre personnes de 14 et 15 ans, mais ça interdit les nouveaux mariages de ce genre-là dans le futur. Bon. Pour les relations anales avec des partenaires qui ne sont pas mariés, l'âge de consentement reste 18 ans. Peu importe l'âge normal de consentement au Canada, donc c'est pour le sexe anal. Dans les foufounes. est-ce qu'on peut vraiment continuer après ça? Un tiers de tous les divorces en 2011 contenait le mot Facebook à l'intérieur d'eux. Et pour, okay. C'est pas nécessairement pour les raisons qu'on pense. Il y a plusieurs façons de mentionner Facebook dans une demande de divorce. Donc, les informations sur Facebook sont de plus en plus un facteur majeur dans les conflits à l'intérieur de mariage. C'est de plus en plus utilisé comme évidence, donc, dans les cas de divorce. En 2011, Facebook a été cité comme raison des divorces sur le tiers, des divorces selon Divorce Online. La raison la plus commune, c'était les messages inappropriés à des membres du sexe opposé ou du même sexe, dépendant. Les maris et femmes, ou en tout cas, peu importe, qui sont séparés et qui postaient des méchants commentaires, des commentaires méchants sur l'autre personne. Et les amis Facebook qui stoulait l'autre personne. Dans le sens, mettons, tu sais, je sais pas, ta blonde aurait une amie, puis l'amie va stouler à toi, disant, hey, tu sais. Je l'ai vu avec un autre. Je l'ai vu avec un autre, exactement, mais sur Facebook. Bref. Wow. C'est comme ça. Le conflit qui peut causer, ben, évidemment, de la gêne, de la jalousie. Des quiproquos, si on veut. Donc, des pensées que c'était que tu faisais quelque chose avec une autre fille, mais dans le fond, c'était juste ta cousine. C'est comme dans tous les sitcoms ever, genre. Il y a au moins un épisode là-dessus. Et de comportement style espionnage de d'autres personnes. Donc, tout ça contribue au divorce. Eh bien. Eh bien. Ensuite, tiens, un hôtel qui a remplacé des bibles dans les chambres avec des copies de 50 nuances de gris. C'est le propriétaire du Damson Dean Hotel en Angleterre qui a décidé de changer la tradition. On connaît tous la tradition d'avoir des bibles dans son tiroir. Les produits du tiroir, comme on a appelé oui. tantôt. Donc, il a remplacé toutes les bibles dans sa chambre avec des copies du best-seller international et softcore porn 50 Shades of Grey dans les chambres d'hôtel de son hôtel. L'homme disait qu'à l'origine, il voulait mettre un roman célèbre de Ayn Rand qui s'appelle Atlas Shrugged. Mais il a décidé que l'ancienne fanfiction de Twilight, tu sais, 50 Shades of Grey, c'était de la fanfiction de Twilight, donc des textes écrits par les fans, il a décidé que c'était plus populaire, que ça ferait plus plaisir aux gens. Ah. Le propriétaire a acheté son hôtel d'un groupe méthodiste, donc d'un ancien groupe religieux, donc il voulait vraiment virer ça de bord, ouais. Si on veut. Du tout au tout. Puis là, il s'est rendu compte que tout le monde volait le livre. Le livre, et qui était gommé après ça. J'imagine que la Bible était aussi gommée, parce qu'il y a des passages assez... apparemment. Oh. Je n'ai jamais lu ça, par contre. Jamais lu ça. Parlant de gommant, tiens, une étudiante collégienne a vendu sa virginité pour 780 000 $. C'est Katharina Migliorni du Brésil qui fait les grands titres après avoir mis aux enchères sa virginité pour 780 000 $. Le gagnant de cette gageure est un homme japonais connu sous le nom de Natsu. L'enchère a évidemment impressionné tout le monde au Japon et au Brésil, mais aussi aux États-Unis, en Australie et même en Inde où les gens ont misé. Pour éviter les problèmes légaux, la session d'une heure avec la fille va se produire dans un avion au-dessus des eaux internationales. Ah oui. Vu que tu peux pas payer pour du sexe, j'imagine, dans certains pays. Donc, l'enchère a été organisée par, par une ben, on pourrait dire documentariste, en tout cas, une personne qui fait des films, bref, australienne, qui faisait un documentaire à ce sujet-là. Donc, c'est elle qui a mis ça aux enchères. Elle dit qu'elle va donner 90% de l'argent à des œuvres de bienfaisance qui construisent des maisons pour les pauvres dans son état donc natif. Là, il est né au Brésil. Par contre, sa sœur dit que c'est faux. OK. Qu'est-ce qu'elle en sait, sa sœur, hein? Ben oui, c'est ça, elle est jalouse. Stool! Par Facebook. Elle l'a stoolé par Facebook. C'est ça. Puis elle peut juste faire 100$. Ouais. Elle n'est pas très belle. Non, c'est pas... je la connais pas, je la connais pas du tout. Là, c'est injurieux ici. Le mot qui commence par F, fuck, a été utilisé pour la première fois en 1568 et disparu complètement de la langue anglaise pendant 150 ans dans les années 1800 et 1900, si on veut. J'aime pas ça, les gens qui disent 1800 quelque chose, j'aime pas ça, je trouve pas ça beau. 1800. Donc, le mot qui a été utilisé pour la première fois entre 1535 et 1539 pendant la Renaissance en Europe, son origine est du vieil anglais. Ça prend un bout de temps avant que le mot gagne en popularité, mais ensuite, entre 1700 et 1800, sa popularité était à son sommet. Et on ne sait pas si c'était la progression naturelle du mot ou s'il y a eu une autre raison, mais en 1800, le mot est virtuellement disparu. Donc, presque pas utilisé entre l'année jusqu'au milieu des années 1900. Et encore une fois, sa disparition, la raison de la disparition est inconnue. Mais c'est bizarre, il n'y a juste personne qui s'en servait. Au milieu des années 1900, ça a recommencé à être utilisé. Et maintenant, je pense qu'on ne l'a jamais plus utilisé. Eh bien, c'est drôle quand même. Oui. La première actrice à s'être montrée nue à la télévision américaine s'appelle Valérie Perrine. Apprenons-en plus à son sujet. Valérie Perrine, qui est une actrice américaine qui a commencé sa carrière dans la softcore porn. Attends un peu. Elle jouait le rôle de Montana Wildhack dans l'adaptation de 1972 d'un livre de Kurt Vonnegut nommé Slaughterhouse 5. Donc, parallèlement à la sortie du film, Perrine est apparue dans le numéro de mai 1972 de Playboy Magazine. En 1973, Perrine est devenue la première femme à complètement montrer ses seins à la télévision américaine. La scène a eu lieu sur la télé publique. Je dirais pas que c'est l'équivalent de Radio-Canada du tout, parce que c'est vraiment complètement genre public et vraiment très, très genre marginal dans son approche, très théâtre. Télé-Québec. Télé-Québec, presque, mais Télé-Québec, c'est privé, non? Une version Télé-Québec public. C'est ça, une version publique de Télé-Québec dans leur programmation. Donc, la scène a eu lieu dans une émission sur le Public Broadcasting Service, la pièce Steam Bath. Perrine pouvait être vue de côté, dans la douche, complètement nue. Wow. À ce moment-là, la scène était très risquée à la télé américaine. Même encore aujourd'hui, des seins nus sur la télé publique, il n'y a pas ça bien. T'as ça sur le câble, ouais. Payant. Mais ben, y a plusieurs stations de PBS qui ont décidé de ne pas diffuser cet épisode-là, évidemment. C'est bien sûr à l'époque, 1972. La femme... Ils étaient wild. Ils étaient born to be wild. Une autre femme qui est born to be wild, je sais pas si elle va t'impressionner ou si elle va te dégoûter. En fait, je sais pas si tu la vois d'ici. Ah! Le livre des records... Ouh! Le livre des records Guinness confirme que Norma Stitz, c'est évidemment un nom de plume... une femme d'Atlanta, la mi-cinquantaine, elle a les plus gros seins du monde. On a déjà mentionné son nom ici dans King Sexy Time, on a plus de détails. Sa brassière, c'est du 102 triple Z. 102 triple Z. Nouvelle station de radio, c'est à Trois-Rivières, le nouveau 102 triple Z. Tout le monde s'endort. Oh, c'est déjà le cas, ça. Okay. Non, on peut pas faire ça, par contre. Donc, c'est les plus gros seins du monde, selon Guinness. Chacun de ces seins a énorme... excuse-moi, Norma. Norma Stitz. Wow! C'est le voulu, je pense. C'est un beau lapsus. Oui, pèse 56 livres. Oh, mon Dieu. Oh, my God. Oh, my good Lord. Stitz, qui est apparu dans plusieurs films pour adultes, jouant évidemment avec son image du fantasme très connu, très répandu de la femme à gros seins. Stitz, qui est apparu aussi dans l'émission de TLC Strange Sex, qui faisait son profil sur les fantasmes et les fétiches. C'est une émission vraiment cool sur les fantasmes kinky. Tu penses qu'elle est sincère? Oh non, attends, ça marche pas. Non, ça marche pas. Ok. T'abandonnes? Oui, j'abandonne. Non, mais elle marche pas. Je vais la réusiner. D'accord. Un peu plus tard. Version améliorée. On reste dans le domaine de la pornographie. Une porn star américaine, Lisa Sparks. Elle a un nom un petit peu plus juste kinky, mais il n'y a pas rien de sexuel là-dedans, Sparks. Hein? Non. Étincelle. A eu le record, en fait, là, en ce moment, le record du plus gros gangbang. Oh. Le 16 octobre 2004. Oh. On a, elle aussi, parlé d'elle. Il y a beaucoup de sujets dont on avait frôlé les parties. Il y a quelques temps, mais là, beaucoup plus de détails. Elle a eu des relations avec 919 hommes, on se rappelle d'elle, en une seule journée. L'événement donc, qui a eu lieu à Warsaw, en Pologne, à l'Eroticon 2014, l'événement s'appelait le Third Annual World Gangbang Championship. Sparks qui a brisé le record dans le pays des deux précédentes personnes à avoir eu ce record-là. Donc, avant Sparks, c'était une porn star polonaise, Mariana Rokita, oui, qui avait le record avec 759 hommes, et avant ça, c'était Claudia Figura avec 646. Malgré le fait qu'elle travaille dans l'industrie de la pornographie pour adultes depuis plusieurs années, elle a été la vedette de 188 films, mais elle est mariée depuis 1995. Faut pas que tu sois jaloux. Ben, tu sais, voilà. C'est tout pour cette portion de King Sexy Time. Au retour, ce sera la chronique d'Alexandre Carignan. Le temps de culture. Hein, ça te va, ça? Oui. Mais avant ça, faites ce que vous voulez pendant cette jolie pause. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, Jean-Philippe Charbonneau. Et il est Mathieu Plante. Oui. On a le plaisir d'accueillir de nouveau, en fait, ça fait un petit bout qu'on lui a pas parlé. On s'est ennuyé d'elle, c'est Alexandra Carignan qui est là, juste à côté de nous. Et elle est juste là, prête pour sa chronique, Le temps d'une culture. Ça tombe bien, hein, ça commence maintenant. Ah. La tune est déjà partie, toi. D'accord. Alexandra! Boum! Ça va bien? Oui! Toi, ça va bien? Oui, nous, ça va très bien. Eh hey, oui, ça va. J'espère que tu vas passer une excellente journée. Oui, ça devrait. Théoriquement, je devrais avoir une bonne journée. Théoriquement, donc ton plan de dans la mon journée, agenda, c'est marqué bonne journée. Sur papier, j'ai une bonne journée. C'est bon sourire. On sait pas ce que ça nous réserve vraiment. Il y a ça. Mais on peut s'aider un peu en ayant des choses à faire tout au long de la journée et de la semaine à venir, hein? Eh hey, oui, hein, parce que c'est important de sculpturer. Oui, comme on dit, ça. Ah, mon Dieu, les personnes en langue vont me culture matériologique, là. C'est important de sculpturer. Big, al gros. Écoutez, cette semaine, il y a plutôt, c'est un peu calme, donc vous pouvez quand même relaxer chez vous. Okay. Mais il y a quand même plusieurs choses à faire, particulièrement dans les arts visuels. Je m'excuse déjà de ma voix. J'ai un petit rhume. Ben, tu sais ce qu'on dit, hein, ça rend tout le temps plus sexy une voix de rhume, trouves pas? C'est censé rendre sexy? Radio-radio, tu parles? Ouais. Moi, j'ai compris ce que tu voulais. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Prépare une toune. Non, ben, prépare-moi, je fais le zoo. Ah, oh, ben oui, mais ça. Bon, ben voilà. Ça, j'aurais trouvé ça. Hé, sainte. Écoutez, bon, cette semaine, en art visuel, ce qui est intéressant, c'est que le centre d'exposition Raymond Lagnier a verni le 19 mars dernier. C'est une nouvelle exposition qui regroupe deux artistes, dont une de Trois-Rivières, qu'on connaît très certainement, parce qu'elle est déjà, elle vient du QTR. Et elle a gagné de nombreux prix, dont le prix Gilles Boulet pour les arts. Tu sais, là, quand vous vous promenez dans l'université, là, ben, y a plein d'art, des fois. Là. Des fois, pas très beau. On dirait des tapis qui datent des années 70. Mais bon, de l'art, hein, c'est subjectif. C'est de l'art. C'est de l'art. Pose pas de questions devant de Mais l'art. Mais elle a fait vraiment quelque chose de beau. Elle travaille avec les arbres. Donc, c'est Valérie Morissette, je vais arrêter de dire elle. Valérie Morissette, elle a fait son bac en art ici à l'UQTR. Elle a fait son bac en com avant. Donc, pour elle, l'art, là, c'était pas quelque chose au début. Là, c'est par la suite qu'elle s'est rendue compte qu'elle aimait vraiment ça. Et elle aime beaucoup les arbres. Elle nous présente son exposition « Contempler le silence », où est-ce qu'on retrouve de l'installation, mais aussi de l'estampe. Donc, dans la première partie de l'exposition, il y a des immenses estampes sur lesquelles on voit des arbres avec des maisons. Il faut savoir qu'elle, elle aime beaucoup l'architecture et le souvenir que ça peut apporter. Donc, pas nécessairement là, la manière que c'est fait ou... c'est pas dans ce but-là. C'est qu'elle, quand elle voit une vieille maison, une vieille grange, pour elle, c'est synonyme de souvenir, c'est synonyme d'histoire et elle aime beaucoup ça. Les arbres aussi, donc s'enraciner, les arbres sont souvent très, très vieux et sont là depuis longtemps. Donc, ce qui est intéressant, c'est que sur le mur, on a des estampes de maisons et d'arbres superposés. Donc, un arbre vert, une maison rouge et c'est superposé. Et ce qui fait face à ces estampes-là, eh bien, ce sont des plus grandes estampes encore sur métal et sur plastique. Mais là, cette fois-ci, il y a les arbres sur le plastique et les maisons sur le métal. Donc, elle a en quelque sorte décomposé l'œuvre qu'il y avait, les estampes sur papier qu'il y avait sur le mur, pour en faire une installation juste en face. C'est très, très beau. Et en plus, elle invite les gens là, à marcher à travers les œuvres. Donc, c'est vraiment, vraiment beau. Des belles couleurs aussi. Moi, le turquoise, là, je trouve ça bien. Et dans la deuxième partie de l'exposition, qui est plus installation, elle a pris des vieilles vitres, tu sais, celles en bois, là, qu'il faut absolument faire tenir avec un bout de bâton. Là. Ouais, c'est ça. Donc, elle a pris ces vitres-là, elle en a fait des rectangles, et à l'intérieur, elle a mis soit des estampes ou des branches, ben, en fait, des pas pires branches, je pas des branchouillettes, là, des grosses branches, qu'elle a peinturées. Et il y a des estampes sur le verre, donc sur les vieilles vitres. C'est vraiment beau. Pour vrai, là, c'est une exposition que, même si on connaît pas vraiment la démarche artistique, visuellement, ça satisfait. Dans la deuxième salle, on a une artiste de Québec, Janie Julien Fort, qui, elle, fait de la photographie, mais avec un objectif particulier, puisque ce dernier a une ouverture très, très, très petite. Ce que ça fait, en fait, c'est que tous les mouvements qui sont rapides pendant qu'elle prend sa photo ne sont pas pris en photographie. Donc, on ne voit que les immobiles et ceux qui sont mobiles, c'est comme flou. C'est donc d'ailleurs là, l'œuvre la plus impressionnante, on dirait une espèce de tornade, c'est un carrousel à la ronde. Ah. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des photographies de lieux, mais de la manière qu'elles sont prises, on dirait que c'est complètement quelque chose d'autre. Et ça te dit à côté pour que tu saches, mettons, que c'est un manège à la ronde ou est-ce que tu devines? Non! Tu le demandes aux guides animatrices qui sont là pour toi. Aux sympathiques jolies jeunes femmes. Aux sympathiques jolies jeunes femmes, c'est nous autres. Ça. Ben oui, ça j'ai ouais, oui, je travaille là, moi. Puis c'est ça, en fait, c'est super intéressant parce que elle travaille avec l'accident. Qu'est-ce qu'on dit avec l'accident? Ce que ça veut dire, c'est que les fautes qu'elle a fait, finalement, elle les trouve super belles. Ah oui. Il y a une série de photographies que lorsqu'elle a pris la photo, il y a un peu de feu. Qui se sont, tu sais, les vieux appareils, là, ben des fois, des... là, ça prend en feu. Donc, elle a beaucoup de photographies qui sont rongées par le feu, qui sont en train de se faire ronger. Et c'est vraiment beau, là. En fait, ça fait quelque chose d'abstrait, quelque chose de d'apocalyptique. Et d'ailleurs, ça, c'est son thème, là. Elle veut faire quelque chose de post-apocalyptique. Donc, c'est ça que ça fait. C'est vraiment des très, très belles images, photographies de différents formats. Donc, on en a des très, très grandes comme des très, très, très petites. Et elle, ce qu'elle trouve intéressant, c'est que pour voir les très petites, Les personnes vont s'approcher du mur et finalement vont se confronter à une partie de la grande qu'ils n'auraient jamais vue d'aussi près parce que les grandes, ben, on n'a pas le réflexe d'aller près. Alors, c'est vraiment beau. Ça s'appelle Révélation anticipée, l'exposition de Janie Julien Fort. Donc, tout ça s'est présenté au Centre d'exposition Raymond Lagnier jusqu'au 19 avril prochain. Donc, il vous reste encore une quinzaine de jours pour aller visiter ça. Je vais revenir sur le match dans la Luître hier soir parce que c'était la première demi-finale qui affront, où est-ce qu'affrontaient les oranges et les bleus. Hey, je vais donc refaire ma phrase. Dans lequel... Où les bleus affrontaient les oranges. OK. Et là, c'était un match de tout ou rien là, parce que les gagnants se renvoyaient en finale. Et les perdants, ben, je ne jouais plus à la lutte. Il y en a que c'était leur dernier match potentiellement, ouais. C'est ce que j'en comprends. Oui. Oui, c'était le dernier, c'était potentiellement le dernier match à Maxime Tanguay, triste. Qui fait partie de la lutte depuis sa quatrième année ou sa cinquième? Fais un maudit bout. Je pense que c'est sa cinquième. Oui. 3 ans de bac, 1 an de BES, 1 an de GO. Ça a sens. C'est sa cinquième. Hey, oui, c'est sa cinquième année. Et écoutez, il y avait beaucoup de choses en jeu. Il y avait un public de feu. C'était mongol. Le monde était vraiment fin. Il écoutait, il était dedans. C'était vraiment, vraiment le fun. Et finalement, le score final... Eh bien, ça l'a terminé 7 à 8 pour les oranges. Wow! Et c'est vraiment... Ben en fait, c'est particulier parce que c'est la seule défaite des bleus de toute l'année. Il fallait que ça tombe sur le dernier match. Il fallait que ça tombe sur la demi-finale. Mais les Oranges se sont vraiment bien défendus. Ils ont joué un match de feu. Ils avaient des bons univers. Ils étaient rapides. Les Bleus avaient l'air un peu fatigués, moins là, moins allumés comparé aux Oranges. Les Bleus, c'est l'équipe de Élodie Mongrain, c'est bien ça? Exactement. Élodie Mongrain, Frédéric Bernard, Charles Doucet. Les Oranges, c'est Jonathan Côté. En fait, c'est Vanessa Fortier, la capitaine. Jonathan Côté, Vincent Rainville et PC Fallard. Alors, c'est les Oranges qui ont gagné, qui vont terminer en finale. Donc, pas la semaine prochaine, pas l'autre d'après parce que c'est le lundi de Pâques. C'est ça. Mais l'autre d'après. Ouais. Le 28. Exact. Donc, la semaine prochaine, ça va être l'autre demi-finale. Oui, la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est les Rouges qui vont affronter les Verts. Ouais. Alors, et c'est ça. Cool. Donc, c'était le dernier match de Maxime Tanguay. À la lutte. À vie, à la lutte, mais là, il est évidemment à la lime. Oui, à la lime. D'ailleurs, il joue ce soir. Ben il va pouvoir se remettre de sa défaite et casser, mettre toute sa hargne contre l'autre équipe. Ouais. Est-ce correct que l'autre équipe va pouvoir en prendre puisque c'est l'équipe des Mauves avec Alex Drouin, Alexandre Gauthier, Hélène Martin et Samantha Bérubé qui affrontent les Blancs. Donc, Maxime Tanguay, Camille Tremblay-Lalancette, Pascal Cholette-Janson et Marc-André Fortin n'est pas là ce soir. Ah. C'est Jean-René Cocotte-Boutin qui va se préparer, lui, pour sa demi-finale puisque c'est le capitaine des Rouges à la lutte. Alors, il va être là ce soir. Il y a beaucoup de gens dans les Blancs, je trouve, qui étaient aussi au Vieux-P et Presbytère vendredi passé. Oui, j'allais en parler. Depuis maintenant 3 ans, le vieux presbytère de Batiscan invite une équipe d'improvisation. La même, là, il change pas. invite une équipe d'improvisation à venir improviser le temps d'un soir. Donc, et on sait, parce que moi j'en fais partie, on s'est appelé à travers les années le collectif du Vieux-P. Ouais. Donc, c'est notre équipe d'improvisation. L'équipe est composée de Louis-Étienne Villeneuve, Maxime Tanguay, Pascal Cholette-Janson, Laurent Gélina et de moi-même. Bon, évidemment, à travers les années, certaines personnes ne peuvent pas être là. L'année dernière, c'est Louis-Philippe Poisson. L'année dernière, c'était Louis-Étienne Villeneuve qui ne pouvait pas être là. C'est Francis Sadier qui l'a remplacé. Et cette année, c'est Maxime Tanguay qui a chopé une vilaine grippe. Mais ça a donné un remplacement assez fabuleux. Ça l'a donné le remplacement par Camille Tremblay-Lalancette, animatrice à la Luître, mais aussi joueuse des Blancs à la Lime. Alors, ça l'a fait vraiment un bon match. Mais c'était vraiment, vraiment... Moi, en tant que joueuse, j'ai eu du fun, là. Mais du fun. Petite parenthèse, j'ai vu juste la deuxième partie pour des raisons que j'ignore. La première partie, apparemment, que vous faisiez, est-ce que c'est encore le cas cette année, le tour des pièces dans le vieux presbytère? Oui, la première partie, en fait, c'est qu'on improvise dans les pièces. Donc, il y a 4 pièces. La première, c'est une espèce de bureau. Et tout le temps dans le 19e siècle, parce que c'est de ce temps-là que le bâtiment... Date. Oui. Donc, le bureau, la chambre des maîtres, la chambre de la servante et la cuisine. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que il y a deux personnes qui commencent une improvisation dans une pièce. Et là, elle peut durer 7 minutes, 8 minutes. Il y a des personnes qui font des troisièmes entrées, mais il y a tout le temps deux joueurs qui restent dans la scène suivante. Et lorsque c'est le temps, il y a un joueur qui va prendre une lanterne. L'indicateur, là, c'est la lanterne. On prend la lanterne et lorsqu'on se déplace vers une salle, le public sait qu'il faut qu'il suive la lanterne. Oh. Et là, une autre improvisation débute alors que l'autre se termine encore. Donc, il n'y a pas de coupure. Il y a une conversation qui reste et qui les gens sont invités à partir, mais il y a encore quelque chose qui se passe dans la salle. Mais juste pour clôturer, là, c'est du chatty talk. Là, du... Oui. On placote, on fait un peu rien. Moi, c'est ça. C'est pour dire qu'ils quittent vraiment comme s'ils arrivaient dans une pièce. Et il y avait vraiment un décor de... C'est comme s'il y était des fantômes, puis que c'est ça. C'est super intéressant comme concept. C'est le fun aussi, parce que ça fait 3 ans qu'on est là. Donc, c'est sûr que les décors restent les mêmes. Mais on réussit toujours à amener quelque chose de plus. C'est vraiment intéressant. Et ce que j'ai vu de la deuxième partie, c'est que la fille qui s'occupe, en tout cas, j'imagine qu'il travaille là, vous donne des thématiques pour la deuxième partie. Oui, exactement. C'est ça qui est spécial. Émilie Roy-Lemon, qui est la directrice... De ces sites-là. Elle a... Excusez, j'ai arraché mon micro. J'ai arraché mon écouteur. OK, je suivais plus. J'ai arraché le micro. J'ai pas vu ça en arrière. Mais... oui, elle donnait des thèmes en relation avec l'histoire du bâtiment. Ouais. Un peu à la manière de la lime. Donc, dans la prochaine improvisation, j'aimerais avoir... Elle a fait une anecdote sur Descaries, mettons, vraiment super détaillée sur son histoire. Puis elle a dit, faites-moi une affaire avec un frigidaire. Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça. C'est drôle parce que ça lui permet de transmettre l'histoire du bâtiment. Puis nous, ça nous permet de pas juste faire des improvisations historiques. C'est ça, c'est un petit peu difficile à faire. Il y a eu quelques improvisations qui étaient à saveur historique quand même, qui ont vraiment marqué, dont la dernière du match qui a fait pleurer, je pense, une bonne partie du monde. Mais il y avait beaucoup d'action. Les joueurs avaient tendance, des fois, à peut-être foncer dans une armoire, ouvrir des armoires sans faire exprès. Oui. Tu penses qu'une statuette qui a dessus va tomber. T'sais. Ça pourrait être dangereux pour le musée, mais c'est vraiment le fun. T'sais. Ah oui, on défaisait toutes les limites. Pour vrai. Et oui. Et sinon, vaillant public, si vous êtes plus musique et que vous avez entendu, si vous avez entendu à savoir qu'est-ce qu'il y a cette semaine, sachez que Radio est en ville. Non, comment ça se fait que je savais déjà ça? Je sais pas, sûrement parce qu'on l'a dit au début de la chronique. Ah, pour vrai? Tu te rappelles pas? Non, je sais pas. Tu te rappelles pas? Je me rappelle. Ouais, ça rappelle. Écoutez, le 3 avril prochain, soit jeudi. Jeudi, Radio débarque au Nord-Ouest Café pour venir faire son spectacle. Et là, faut dire là, que c'est comme un spectacle, si c'est pas un des premiers de la tournée, là, c'est dans les premiers. Mm-hmm. Là. Parce que le soleil, il vient de sortir. Il est-tu sorti ou il vient de sortir? Il est sorti, ça fait peut-être un mois maximum. Ouais, à peu près. L'album I Feel Zoo. Et écoutez, c'est dans les premiers concerts et 30$. Nord-Ouest Café. Et là, vous êtes Radio? Je suis pas certaine. Si vous savez pas c'est quoi, je ris de vous, mais je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. C'est un groupe de l'Est canadien. Des Nouveaux-Brunswick. Mm-hmm. Et ils font du rap. C'est vraiment bon. Et d'ailleurs, si vous avez écouté SNL Québec première édition, c'est Radio qui était en performance. Et ils vous chantaient Je fais le zoo, qu'on va d'ailleurs vous passer juste là. Comment je file zoo comme un animal? C'est pas mal qu'animal, freak comme un animal. Comment je file zoo? Comment je file zoo? Yeah. Comment je file zoo comme un animal? C'est pas mal qu'animal, freak comme un animal. Comment je file zoo? Ah. Comment je file zoo? Ah. Ah. Le chihuahua, un panda, iguana. Crossbreed comme un taureau in heat. Il faut que tu beats sur la meat. Cheap, bien, ça c'est cheap. So hot dog, ton hamburger, il faut la meat. Bien, là c'est zoo, un bourre gourou. Combirez-vous, ça qui veut l'avoir. On veut l'avoir, so malade dans des cages. J'ai des malades dans des cages. J'ouvre la porte, il faut que tu sortes, lâche ça. Lâche ça, lâche ça. Comme un minotaure, pointeau, du mado. Comme un pourri cat, il paraît sur que je flow. Never mind, j'ai cool cat, qui se promène dans l'alleyway. Comme un young buck, what the fuck, je suis le zoo. Tu sais, je suis zoo. Et ouais, que de la bad rap. Pour les animaux, pour les animaux. Pour les animaux, pas plus. Je suis le zoo. Fille du sort, je suis le zoo. Dibbedabadou, je suis le zoo. Comme un animal, c'est pas mal qu'animal. Freak comme un animal. Come on, je la balle aller, allez, allez, balader. Laisse la balle aller, je vais harceler. Qui veut se mener en plein scanner, en plein mi dans l'été. Hey, avoir des cash pour nous sortir ou des cash. Ça qu'il fallait à la banque, check à ma face, c'est zoo. Class trip pour le zoo, ma sauce c'est zoo. Comme un coup, j'tarrive, plate comme un hibou. Quand j'me réveille trop tôt, j'vois comme un corbeau. Y'a la voix pour le croire, elle nous a sur la main. Faut pas se faire avec un fur coat de bébé fuck. J'aime bien des pires, but j'suis con des pires pires. J'veux des potes faire des cheer avec la grise de la baleine. J'aime bien des pires, but j'suis con des pires pires. J'veux des potes faire des cheer avec la grise de la baleine. Come on, j'suis zoo comme un animal. C'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Come on, j'suis zoo. Come on, je suis zoo. Yeah, come on, je suis zoo comme un animal. C'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Come on, je suis zoo. Come on, je suis zoo. Yeah. Louis, Louis, that dog, Mickey, Mickey, Mouse, Mouse, off avec ta pop, avec ta machine. Come on, come on, come on, je suis zoo. Laisse la balle aller, allez, allez, balader. Laisse la balle aller, allez, allez, balader. Laisse la balle aller, allez, allez, balader. Laisse la balle aller, allez, allez, balader. Come on, je suis zoo comme un animal. C'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Come on, je suis zoo. Come on, je suis zoo. Yeah. Come on, je suis zoo comme un animal. C'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Come on. Et voilà, c'était Radio Radio avec Ashville Zoo. Si vous n'aviez pas d'énergie un matin, eh bien, c'en était une bonne dose. On dirait que tu te l'es dédié à toi-même. Oui. Un peu. Comment je fais le zoo? Je fais le zoo, là. Je fais le zoo, là. Tellement. Je fais le full zoo. Hey, écoutez, c'est pas mal ce qui termine ma chronique. Donc, n'oubliez pas, ce jeudi, Radio Radio au Nord-Ouest Café. Sinon, vous pouvez toujours aller voir ma thèse en 180 secondes. Ben oui. c'est moins ton domaine dans ta chronique, un peu, dans la peine, tu sais. Ben, c'est à peine, parce que j'ai fait les demi-finales. D'après moi, j'ai pas ah, pas. Bravo, non, mais bravo, je savais pas ça. Je suis en train de faire un truc personnel ce matin. Ben non, mais on... Je suis pas encore réveillée, je vois pas. On t'encourage, c'est bon, ça. Et voilà, c'est tout. C'est ce qui termine ma chronique. Si vous voulez plus d'informations sur l'exposition au centre d'exposition Raymond Lagnier, procurez-vous le Zone Campus. Ben oui. Puisqu'il y a un article détaillé à l'intérieur. Oui, et aussi, tant qu'à vous procurer d'autres produits dérivés d'Alexandre Carignan dans Zone Campus, écoutez le dîner de con. Oui, mais pas ce midi. Pas ce midi, ben non. Parce que le travail m'appelle. Ben c'est ça. Mais tout sinon, d'habitude, les mardis. Oui, ouais, d'habitude, je fais ça. Entre 11h et 13h. T'as fait un poisson sans savoir. C'est ça. on te surveille. Sinon, partout, à la huître, à la lime. T'es DJ à la huître. Et, oui, je suis DJ à la huître et je joue à la lime. Voilà. C'est dit. Alexandra Carignan, merci voilà. beaucoup. Ben, ça fait plaisir. À la semaine prochaine. C'est mardi à 9h pour une autre chronique, Le Temps d'une culture. Nous, l'émission se termine très bientôt. Très, très bientôt. Tellement bientôt que je veux la repousser un petit peu. Oh! Oui, un petit peu, mais à peine, tu sais. J'ai envie d'entendre un petit peu de Mark Berube. Mark Berube. Ouais. Sa chanson Carnival, on s'en va entendre. Après ça, on va se dire au revoir et plus encore. OK? Mais pas trop, juste un petit peu plus. OK. C'est pas vrai, on vous dit bye là. Poisson. Wrote a small time song for my neighbor choir, for my kid at home, my band for hire, find a cantor in a bank of songs. I'm on the find some chicken wire, a plastic bag, a clothesline full of golden rags. Find some graffiti on my china place. Got a happy hammer for the refined taste. Another school year's clean. The basement's full of all the dandelions. The kids could pull. Find some entitlement. Some hipster swag. Conversation for my vanity page. And now the typewriter's dead, but not the church bell song. I see our future lit in the lights of Hong Kong. By my Christmas faith, the angels shine on the lips of the few bit of the shadows of the candle lies on the cheeks of your face. Promises on the base of your teeth. The candle lies on the cheeks of your face. Will you take what you receive? Find a quick lips and smile. A man all stare. A mad dog with his alarm system, beware. Find some concrete love, let's drop online. I put a string crime, the alibi. Got my secret world and my modern rush. For the window shopping eyes, aristocratic cash. Got a heart of gold, some drugs to steal. And I'm filling my excuses on the narrow fields. Gone all the lies on the cheeks of your face. Promises on the blaze of your teeth. Gone all the lies on the cheeks of your face. Will you take what you will receive? C'était Marc Berube avec Carnival. Carnival. Oui, monsieur. Carnival. Et nous, c'est la fin de l'émission d'Assemblage Requis pour aujourd'hui. Oui. Oui. Alors, merci évidemment à tout le monde qui a participé à l'émission d'aujourd'hui. Marie-Laurence Audet pour sa chronique Le loisir bien plus qu'une culture. Qu'une culture. Bien plus qu'un jeu. Bien plus qu'une culture. Wow. Ben oui. On fusionne. C'est de la fusion. C'est comme la cuisine. On fusionne. On fait de la cuisine fusion. Asiatique. Bref. Et sa chronique aussi sur la GE. Bien sûr. Alexandre Carignan et le temps d'un jeu. Donc, le temps de la culture. Donc, on la remercie aussi. On remercie Jean-Samuel Gay d'exister. Même si des fois, c'est à s'y méprendre. Demain, l'émission, Justine Renaud va être des nôtres pour nous faire entendre un album qui l'a marqué dans sa vie, dans Justine aux Platines. Ensuite, Stéphanie Paradis va nous faire écouter un CD qui est plus récent, dans son cas, dans le poste d'écoute. Et on va ouvrir la porte de la grande boutique C'est fou dans la chronique 5, mais ça devrait répondre là. Ah, la boutique C'est fou! Genre, si on veut. C'est demain entre 6h30. C'est bien dit. Pas pire. Entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Restez à l'écoute parce qu'à 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. En après-midi, évidemment, rock classique avec Alain Lefebvre en rappel. À 19h, c'est réanimation avec du métal et de l'horreur. Mais dans quelques instants, dans moins d'une demi-heure, ce sera les Malhonnêtes, l'émission d'affaires publiques, cfou.ca. Pour la programmation complète, Mathieu, ainsi que le palmarès, hein, on n'en parle pas assez souvent. Mais si tu veux savoir ce qui joue à C'est fou, va sur le site. Tu des entrevues, si tu veux. Il y a tout, tout est là. Il y a aussi assemblagerequis.com. Oui, mais ça, c'est pour les balado-diffusions, Mathieu, de l'émission, ici que les notes de l'émission. C'est encore meilleur. Ah oui. C'est encore plus rempli, ça. Ah oui, c'est très spécifique. Toi, à lundi, parce que tu es là oui, juste Mathieu. Le dimanche, c'est ça? Oui, merci pour ce moment. On a eu un bon moment. Moi aussi, je trouve qu'on a eu un bon moment. Est-ce que tu veux nous faire ta chanson de tantôt de... Mais pour de vrai, je m'en souviens vraiment pas. Là. C'est vraiment pas des blagues. Sous les ailes, non. Mais tu sais, on fera du montage, comme qu'on dit. Ouais, d'après moi, ça va mériter ça un petit peu. Puis s'il faut, peut-être que j'écris une chanson complète. La version single. Oui, je me ferai un EP. Donc toi, à lundi, aux autres, à demain. Salut Mathieu. Salut.